89.1 Trois-Rivières. Vous êtes à Cibroux? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan de cette semaine à Assemblage Requis. On lèvera notre verre ou notre bouteille à l'été dans notre segment gastronomique Une grosse pointe en dresse. Et Tania fera la danse qu'on fait la pluie dans sa divertissante chronique Tania et Scott et Virginia. Une toute nouvelle édition d'Assemblage Requis commence tout de suite. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis pour la semaine du 25 juillet 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Autant dire les studios de C'est fou à Trois-Rivières. On débute sur notre chanson thème de Vanessa Parietta, remaniée par Renard Frac. Comment ça va, Tania? Ça va bien, et toi? Oui, très bien. Très bien. J'avais oublié, avant l'émission d'aujourd'hui, qu'il fallait que je passe à la pisserie. Ah ah! Pour aller acheter un petit produit pour une grosse pointe en dresse en fin d'émission. C'est pour ça qu'on est flush. C'est pas... Non. Pardonnez-moi, votre honneur. Pardonnez-moi. Avocat de la défense ici. Non, oui, oui. Je dirais qu'on commence en retard parce que l'émission d'avant, Rock de Neurones, a terminé plus tard. C'est ça. Voilà. Fait que c'est pas de ma faute. En fait, j'aurais pu moins courir et j'aurais peut-être moins chaud et je serais peut-être moins essoufflé pendant la première demi-heure d'émission. Mais bon, c'est comme ça. Je vais m'en remettre. C'est correct. Je marche une heure par jour et j'ai toujours pas de souffle. Ouais. Ça a pas d'allure, mon système. Terrible. Terrible. Devrais le jogger, Mathieu. Oui, c'est ça. Jogger avec un sac avec tout ce qu'il y a dedans en ce moment. Ouais, non, parce que pas. Tu sais pas quel produit je nous ai amené pour tantôt. Non, mais t'as parlé de bouteilles, par exemple. J'ai parlé de bouteilles et j'ai dit que c'était très lourd. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qui est en multiple de plusieurs. Oh, peut-être. Multiplication de changer l'eau en vin, hein? Ouh. Mais pas en vin. OK. Je n'ai pas fait ça en vin. Oui, regardez pas les sacs. Non. C'est mon sac. Oui. On n'a pas le droit de voir. Non, j'ai acheté les produits aussi pour les prochaines semaines. Et voilà. Ouais. Bref, assez parlé d'une grosse pointe en dresse. On fera ça en fin d'émission, en dernière heure. Si ça vous intéresse d'être à l'écoute pour ça. D'ici là, on a bien sûr nos chroniques habituelles. Donc, c'est un fait. On va faire ça dans quelques instants. On va aussi faire du sexisme, mais ça ne répond là avec des gadgets ridicules qu'on s'est procurés ou qu'on va se procurer incessamment. Hein? Tout à fait. Hein? Mais sinon, ta chronique à toi, ça revient. La seule chronique qui n'est pas par moi, t'as bien. Oui, pas mal, hein? C'est la seule dans l'illusion. On va parler de télévision. Oh, yeah! Et voilà. C'est tout ce que je dis. Fait que non seulement tu vas faire juste une chronique comparée aux miennes, mais en plus, tu vas me voler mes sujets. En plus, tu parles de télévision. Mais je suis persuadée que si je parle de télévision, ça sera pas le même genre d'émission que toi. Non, absolument pas. Et ouais, il y a ça. Et aussi, peut-être que ça va plus m'intéresser que des chars. Ah, peut-être. Et peut-être que je vais être plus en écoute active. Pourquoi? T'écoutes pas quand je parle de chars? Non, mais je suis en écoute passive. Ah, c'est ça. Hein? Ça veut dire que j'ai pas besoin de réfléchir parce que de toute façon, j'ai rien à dire. C'est ce que je me dis. Et que je comprends rien, tu sais. Voilà. Écoute active, ça veut dire que je veux participer à ta chronique. Tout est expliqué. Voilà. Hey, on s'entend bien, on se complète bien. Voilà. C'est bien abonnant. Dit, c'est si bien dit, Mathieu. Commençons sans plus tarder. Hein? Oui. Comme dirait de la viande fumée, sans plus moutarder. Hein? Sans plus moutarder. C'est pas drôle, pardon. C'est terrible, c'est comme joke. Commençons, c'est vraiment terrible. C'est la pire. Justement, tiens, un gars que moi je trouve pas très très drôle, mais que certains aiment. C'est comme peur. C'est pas pour tout le monde l'humour que certains font. Hein? Non, c'est vrai. Catherine, flip oui. De son prénom. Ah, c'est vrai. Je suis désolée, Mathieu. Oui, tu me l'as mis en pleine J'avais émission. J'avais carrément oublié. C'est pas grave. Lui aussi fait des drôles de blagues. Donc mais voici oui. Catherine est compliquée. À Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. Sur les ondes de C'est fou 89.fm. Tout rapport humain est compliqué, même avec moi-même, j'ai des problèmes. Alors comment voulez-vous qu'on n'ait pas de problèmes, si avec nous-mêmes on a déjà des problèmes? Ces problèmes ne sont jamais les mêmes, au cours d'une journée on n'est pas pareil. Alors imagine 8 milliards d'êtres humains, imagine tous ces rapports humains. Une goutte de sperme, et dire qu'on était une goutte de sperme, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Regardez-moi ce groupe de rollers qui mobilise le boulevard Pasteur pourquoi si multiple le bonheur? C'est parce qu'ils n'ont ni perdant ni vainqueur. Une armée sans joie, voilà ce que je vois. Fuck you, fuck you, fuck you! Tout, je vois tout, tout. Tout rapport humain est compliqué. Même avec moi-même, j'ai des problèmes. Et dire qu'on était une goutte de sperme, plus fort que les autres gouttes de sperme. Et dire qu'on était une goutte de sperme, plus fort que les autres gouttes de sperme. Tania, je suis pas fière de toi, Tania Baudin. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Il y a des pièces comme ça que j'oublie d'où ils viennent et quel est le contenu, surtout. Ouais. Pas fort. Non, c'était pas mon meilleur choix de la semaine. Tu fais un Ted Cruz de toi à la Convention républicaine la semaine c'est passée. Terrible. Tu te fais huer par la je foule. Sais. C'est correct que j'accepte les humains. Les humains, non. Non. On dirait qu'on... Le huage. Oh, c'est où qu'il y, a des, qu'il y a des chevaux? C'est l'écurie, oui. Je m'en vais plus de ma humain. Ma humain. Et voilà. C'est magnifique tout ça, Tania. Je vais ramener les oiseaux qui eux aussi vont vouloir te huer et l'eau aussi qui va vouloir faire des vagues négatives envers toi. Hey, je fais rire de moi en ce moment parce que je sue ma vie. Mais c'est normal, t'as fait une demi-heure de marche. Une demi-heure de marche, me dépêchant parce que je pensais arriver en retard parce qu'il fallait que je passe à la pizzerie. Ben oui. Hein? J'ai monté trois étages d'escalier. Okay? Et voilà. Puis je suis arrivé flush. Fait que tu sais, en même temps, au moins mes excuses sont faites. Là, au moins. Mais c'est pas grave parce que tu vas rester ici en studio sans trop bouger pour les 12 prochaines heures. Je suis ici jusqu'à 22h30, 23h parce qu'il y a deux parties de baseball juste après nous. Donc l'émission finit à 17h-2 apparemment. À peu près, ouais. Ensuite, on commence un match de baseball, une demi-heure de pause pour souper et un deuxième match de baseball. Puis après ça, je m'en vais. C'est une grosse journée. C'est grosse soirée pour Mathieu. En même temps, je pensais à ça chez nous. J'ai calculé mes affaires puis c'est moins qu'une journée complète de travail pour la plupart des gens. T'sais. C'est genre moins de 8 heures. Quand même. C'est vraiment pas si pire que ça. Ça dépend si on va en prolongation ou baseball. Oui, c'est vrai, la baseball, des fois, ça se range jusqu'en 9e, 10e manche. Des fois, même lorsqu'on fait des matchs de 7 manches, vu que c'est un programme double. Bref, peu importe, les gens s'intéressent peut-être moins au baseball. En fait, j'ose espérer, j'ose penser que la plupart des gens qui écoutent Assemblage Rocky pour les chroniques, mettons, et le contenu tellement plaisant, n'aiment pas tant le baseball. Ben, ça dépend. Il y a des gens qui peuvent avoir plein... Oui, ça arrive. De mais c'est hobbies pas notre, différents. C'est pas notre public cible. Peut-être pas, non. Mais on vous remercie de nous écouter quoi qu'il arrive. Salutations à tous ceux qui aiment le baseball. Oui, allô. Tiens, on va apprendre des choses. Ce que le public du baseball n'aime pas faire. C'est une joke. C'est une joke. C'est tellement terrible, ça, comme Carl Mathieu. Là, c'est toi qui vas se faire huer. C'est ça. Et probablement lapider. C'est la chronique, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. Est-ce que le public en studio peut chanter? Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, tous ensemble, c'est un fait. Ah, oh, come on! C'est un pas. Fait. J'ai ouvert son micro, donc très bon. Eh ouais. C'est pas grave, on va le faire seul, hein, notre petit chant de rassemblement de c'est un fait. Hey, quel cri du cœur, ma foi. Ah oui. Oui, ça et... Tout un cri d'équipe, mon Dieu. Ça et Jérémy a déjà dimanche. C'est vraiment la même chose. Tout le monde se sent très, très proche de nous. Tout à fait. Donc, commençons par... Ah tiens, on s'est toujours demandé, sûrement Tania, toi aussi, pourquoi et comment est-ce que les applications gratuites font de l'argent? Ça, c'est vrai. Ça, je me suis toujours posé ça. C'est pas par les fameuses publicités qui passent dedans toutes les 3 secondes et demie. C'est par plein de choses, parce qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement de publicité. Donc, on parle, entre autres, de Pokémon Go, des trucs comme ça. Donc... Pokémon Go. Quoi? Mathieu, je sais que tu joues à ça, là. Non, j'ai joué une fois, puis les serveurs étaient surchargés, c'était avant que ça sorte, okay. Donc non. T'as terminé, là? J'ai pas joué longtemps. Ta crise est faite. C'est ça. Donc, si vous êtes déjà demandé comment les jeux gratuits font pour faire de l'argent, évidemment, entre autres Pokémon Go, Vox, le site web, a décidé de regarder exactement ce qui fait que les jeux gratuits peuvent faire du profit. OK. Donc, une petite vidéo sur assemblagerocky.com, ça vous donne de la regarder, mais expliquons-le à la radio. Donc, Vox explique que les jeux... à téléchargement gratuit vont rendre des articles disponibles évidemment à achat à différents points du jeu, ça on sait déjà. Si vous regardez ou jouez à Candy Crush, Clash of Titans, etc., Clash of Clans, pardon, les développeurs du jeu Donc, utilise la psychologie comportementale pour vous encourager à dépenser. Par exemple, les développeurs vont faire que dépenser de l'argent dans le jeu va être aussi facile que possible. Donc, un seul clic, habituellement. Des fois, tu as un clic et peut-être mettre ton Touch ID, ton doigt sur ton bouton d'accueil. D'autres vont rendre le jeu extrêmement difficile ou frustrant si vous refusez de faire des achats. Ça m'est déjà arrivé de jouer à des puzzles. Les 20 premiers tableaux, par exemple, sont gratuits. Pour débloquer les 10 suivants, il faut que tu attendes une heure. Il faut que tu rejoues à certains tableaux pour avoir plus de points, etc., etc. Donc, ça rend le jeu frustrant sans dépenser d'argent. Si tu dépenses, évidemment, ça débloque tout de suite. Les développeurs vont pas essayer de convaincre la majorité des gens à dépenser de l'argent sur leur jeu. À la place, ils essaient d'attirer ceux qu'on appelle des whales en anglais, donc des baleines. Ah, d'accord. Comme moi en train de suivre, on pourrait m'appeler une baleine. Donc, ceux qui sont prêts à dépenser des centaines de dollars ou même des milliers de dollars dans une application gratuite, entre guillemets, la plupart des gens sont capables de résister à la tentation de dépenser de l'argent pour se rendre à un nouveau niveau, alors que d'autres sont très susceptibles. Ceux qui ont un petit, tu sais, ceux qui ont dans le cerveau un petit problème de dépendance, mettons. Oui, oui. C'est peut-être oui. les gens les plus vulnérables à cette tactique-là. Probablement. Je pense que oui. Les gens qui ont peut-être des problèmes de jeu. Exactement. Ceux qui sont faciles à convaincre de dépenser de l'argent. Voilà. Bref. Les acheteurs compulsifs. Les acheteurs compulsifs. Pour certains, oui, on lève tous la main en même temps. Pour certains de ces jeux-là, les utilisateurs non payants, c'est-à-dire la plupart des gens qui, donc, essentiellement, vont dépenser du temps à la place de dépenser de l'argent. Donc, si vous êtes fan de Pokémon, Vox nous dit que Pokémon Go utilise moins de tactiques manipulatrices que certains autres jeux. Et il dit que c'est une très bonne raison donc d'acheter des choses, peut-être pour les encourager de continuer dans ce système-là. Bref, Vox, je te remercie d'avoir écrit cet article. Ensuite, André le géant. Est-ce que vous connaissez André le géant? C'est pas les petits géants des petits pois? Le petit non. géant des petits pois. Qu'est-ce que tu racontes, là? Non, je connais pas André le géant, honnêtement. Non. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle le géant vert, celui-là. C'est ça. Ouais. Bref, donc, André le géant, André Roussimoff, plus connu sous son pseudonyme André le géant en français, sinon en anglais plus André the Giant. Même la page Wikipédia en français l'appelle André the Giant. Et géant ferré aussi, est un lutteur et acteur français né en 46 en France, à Paris, en fait. On appelle ça un catcheur, les lutteurs en France, c'est ça? Oui, là, les professionnels, oui, oui. C'est titulaire. Ce sont des catcheurs. Donc, André le géant, qui a le record mondial du plus grand nombre de bières consommées en un seul moment, donc une seule fois assis, genre qui s'est pas levé debout. Donc, c'était des bouteilles de bière de 12 onces. Pendant une période de 6 heures, il en a bu 119. Quoi? 119 bouteilles de 12 onces. Puis il est pas tombé. Ben, il est énorme, là. Sûrement que son système est un petit peu plus solide de viril. Clairement plus solide que le mien. Hein? Oui, et juste sa photo, tu sais, il doit faire genre 5-6 fois la taille de la dame qui lui sert. La madame qui lui sert les bières. Exactement. Ensuite, le mauve est une couleur royale. On dit ça des fois, la couleur royale. Oui, c'est vrai. Parce que dans le temps, on devait se fier sur des teintures naturelles. Le mauve venait d'escargots de mer. C'était la chose la plus difficile à extraire et à produire. Donc, seulement les personnes de royauté, donc roi, reine, prince, peu importe, princesse, pouvaient se permettre d'acheter des produits mauves. Ah, ouais, je savais pas ça. C'est intéressant. La haute pression atmosphérique affecte les bulles dans votre café. Si les bulles sont plus près du centre, on peut s'attendre à avoir de la pluie. Ah ouais. Ou encore du tonnerre, de la foudre. J'aurais dû regarder ça hier. Pourquoi? Il a mouillé. Ah, c'est vrai, oui. Il a mouillé abondamment. Est-ce que tu t'es présenté au baseball hier? Mais non, aucunement, ça avait été annoncé très tôt quand même que c'était annulé. Voilà, moi, tu vois, je suis tellement pas souvent sur la page. Toi, hein? Non, mais quand je vois qu'il commence à mouiller, je regarde la page Facebook. Mais en fait, je l'ai su par toi, Mathieu. Ah! J'ai passé une capture d'écran dans le groupe privé. Voilà. Bref, la haute pression atmosphérique, il y a aussi regardé si j'ai mal aux genoux. Donc, demandez-moi-le. Est-ce que Mathieu pleure de mal aux genoux? Mathieu, as-tu mal aux genoux aujourd'hui? Ça veut dire qu'il va pleuvoir. Les dauphins, on a parlé de baleines tantôt. Oui. Les dauphins ne boivent pas d'eau. Hein? Hein? Ben voyons donc. Oui, l'eau de la mer les rendrait malades et pourrait possiblement les tuer. Ils prennent leur liquide par la nourriture qu'ils mangent. Ben, je savais pas ça. Ça, ça veut dire qu'ils n'ouvrent pas pantoute la bouche? Ben, pourtant, ils ouvrent la bouche. Ils ouvrent la bouche, mais sûrement qu'il y a un processus. Là. On n'est pas à découverte quand même. Non, mais il faudrait quand même savoir. Ben oui, mais là, fais tes recherches toi-même. les dauphins, j'imagine, ont une façon de manger sans avaler d'eau. Hein? Probablement. T'sais? Vous regarderez à TV pour savoir ça. On est là pour faudrait faire la surface. Faudrait appeler Charles Tissère. C'est ça. En 1967, un magazine a publié un reportage, en fait un faux reportage, sur l'extraction d'hallucinogènes chimiques dans les bananes. pour faire penser aux gens des questions morales par rapport à la drogue. Ben oui. Les gens ne réalisaient pas que c'était une attrape et ont commencé à fumer des plures de bananes pour se mettre à high. Ben non. Et en plus, sur la photo, c'est comme une grand-maman qui est en train de s'allumer une banane. Ah, elle, c'est clairement médical. Clairement. À une prescription, là. Allez voir la photo sur assemblagerequis.com. Mais sûr. C'était un article qui était une parodie, si on... Ça améliore la vue, apparemment. Voilà. C'est comme les carottes. Towser. Oui, Towser. Ben Towser. Oui, Towser. C'est en fait, c'est un chat, une femelle, qu'on appelle en anglais Long-haired Tortoise Shell Female Cat. Donc, un chat femelle, coquille de tortue. Coquille, pas coquille, c'est quoi le nom? Carapace. Carapace de tortue. À poil long. Voilà. Donc, poil on long. Dit qu'elle a tué environ, et là, on a vraiment un chiffre beaucoup trop exact pour dire environ, 28 899 souris. Et c'est très exact pour un chat. Come on. Sérieusement, là, il y a quelqu'un... Environ 28 899, pas 28 900, non. C'est ça. 28 899. Puis ça, c'est clairement genre basé sur une journée où elle a tué un certain nombre de souris, on l'a multiplié par le nombre de jours depuis sa naissance, puis exact, ça donnait ça, puis on s'est dit, on se posera pas trop de questions. Environ 30 000, moi je dis. Environ 30 000 souris en 24 ans de travail. C'était donc l'expert du contrôle des pestes. De l'endroit. On se fait juger pour les dauphins apparemment présentement sur Facebook. Raconte. Le trou qu'ils ont sur le dos, ouais. C'est par là qu'ils crachent l'eau. Ouais, mais on demandait comment ils faisaient pour ne pas avaler d'eau. Ah, ils avalent de l'eau, mais la repoussent. Exactement. Ah, ben ça, tu vois. C'est à ça que ça sert, le trou sur le dos d'un dauphin. C'est un très bon point, sauf ça que la phrase mourir. De ton ami, peu importe, est mal écrite. C'est pas la phrase de mon ami, c'est un de nos auditeurs. Ah, fait que ton auditeur n'est pas un ami. Ben, c'est sur la page Facebook d'Assemblage Récup, ah, okay, Mathieu. Ah, OK. Ah, bon, d'accord. Voilà. Donc... Insulte donc nos auditeurs. C'est Tom, donc, c'est ça que ça veut dire. Non, c'est Alex. Oh, wow, crime, on augmente notre audimat à chaque semaine. Donc, j'étais en train de parler de Towser, un chat. D'accord? Oui, avec une carapace de tortue au poil long. Ben, pas littéralement, c'est son nom, en tout cas, bref. Qui a tué 28 899 souris en 24 années de travail. C'était l'expert, donc, en contrôle des pestes à Glencairet. Une distillerie de whisky en Écosse. Okay? Ooh, okay. Donc, le livre des records Guinness reconnaît ce chat-là pour son record mondial. Est-ce que c'est censé être beaucoup en 24 ans? Parce que tu sais, si tu calcules ça... si tu divises le tout, là... Ouais, mettons par jour, là. Ouais, mettons, là, ça fait une moyenne de combien par jour? Fait 24 x 365. Okay. Pourquoi? Ben pour savoir, okay, parce 24 que... 24 fois 365. Il y a 365 jours dans une année. Divisé par 28 899. C'est exact. C'est le contrat? Pas c'est le contrat, moi. Pas le contrat. 28 899 divisé par, entre parenthèses, 24 fois 365. Oh boy, tu me mêles tout. J'aurais dû le faire moi-même, ça aurait été facile. Ça fait 1900 par jour. Eh ben non. En moyenne. En moyenne. Il y a des jours où elle devait se taper une méchante claque de souris. Et d'autres jours, elle faisait rien. C'est ça. L'autre jour, elle faisait genre, elle enregistrait la publicité de Rock Révélé. Bon. Il est cute le chat dans la pub de Rock Révélé, faut se le dire. Écoutez, c'est fou, vous savez de quoi je parle. Une micro-mort. Une micro-mort? Une micro-mort. Ça, c'est une petite mort. C'est une unité de mesure, en fait. C'est une chance, une probabilité de mort sur 1 million. Par exemple, aller dans un avion et se jeter en bas avec un parachute. Oui. Du skydiving, parachutiste, peu importe. Oui. C'est compté pour 9 micro-morts. Voulant dire qu'il y a 9 chances sur 1 million qu'une personne va mourir après avoir fait ça. S'il ouvre pas le parachute, évidemment. Come on, il a toutes les raisons. Mais c'est parce que t'as comme insinué que, oui, automatiquement, si t'allais dans l'avion avec un parachute, t'avais 9 oui, chances. Oui, ça pourrait être aussi million. Genre sauter de l'avion avec une enclume au-dessus de toi, ça pourrait être toutes les façons de mourir. Avec un chat dans tes bras. Oui, c'est ça. le capitaine pirate Benjamin Hornigold. Hornigold, comme dans genre affamé d'or sexuellement. Oui, c'est ça. a déjà attaqué un bateau pour remplacer les chapeaux de son équipage. Ah, l'équipage s'était saoulé le soir d'avant. Ils avaient jeté leur chapeau outre-bord. Comment on appelle ça? Pas outre-bord. Voyons. Ben oui, c'est pas outre-bord. Un homme... À la mer. À la mer. Tu dis un homme est... Est tombé à la mer. Auditeur, s'il vous plaît. Ah oui. Ouais. Auditeur, oui. Cher auditeur, comment appelle-t-on quelqu'un qui tombe... Au bord de bateau. On va juste arrêter de se forcer et se fier sur nos auditeurs. C'est ça, ouais. Donc, Hornigold qui aurait donc attaqué un équipage. Ben non, c'est pas à tribord puis à bâbord, là. Non, ça, c'est à gauche puis à droite. Ben c'est ça, Mathieu, tu l'avais. Par-dessus bord. Ah! Et là, on n'a même pas eu besoin de nos auditeurs. Voilà. Donc, c'était sur la côte de l'Honduras. Ça dit que, comme un des passagers du vaisseau capturé a raconté, et je cite, ils nous ont pas fait plus mal que ça, ils ont juste pris nos chapeaux. Ils étaient saoulés, ils ont dit, on a jeté nos chapeaux, on a besoin de chapeaux. Fait que c'est ça que ça passe. Ça, c'est selon une personne qui a été attaquée dans ce bateau-là. Comme si, parce que si t'avais pas de chapeau, tu devenais plus un pirate. C'est une question de respect, ça. Ah ben oui, tout à fait. Il y a de la musique qui est faite spécifiquement pour les chats. Oui. Il y a des fréquences et des tempos utilisés dans la communication naturelle des chats. C'est vrai, on en avait déjà parlé, me semble. On avait écouté. Je crois qu'on avait écouté de la musique qui était faite par des chats. Je crois pas qu'on avait entendu la musique qui était faite pour les chats. Ouais, c'est peut-être ça. Voilà. Donc, les chercheurs ont pris la musique de David Tian pour composer des chansons qui fonctionnent dans les paramètres de communication des chats. Donc, ça fait les chansons, les pièces Cosmos Air, Spooks Diddy et Rusty's Ballad. Ils ont testé 47 chats domestiques différents. Mm-hmm. Les chercheurs ont joué des chansons qui étaient donc qui ciblaient les chats et ont comparé les réactions félines à deux chansons humaines, donc Air on a G-String de Bach et L.A.G. de Gabriel Fauré. Évidemment, Air on a G-String, c'est pas un air sur un G-String comme le souhaite. Hein? Non, c'est sûr. C'est ça. C'est l'accord, là, les notes de... Après leur test, les chercheurs ont découvert donc, que les chats montraient une préférence significative et un intérêt dans la musique qui était appropriée, ciblait les chats donc par rapport aux chansons pour humains. Ils ne répondaient pas vraiment aux chansons pour humains. L'étude nous apprend aussi que la musique pour chats amenait de meilleures réactions chez les chats plus jeunes et les chats beaucoup plus vieux versus les chats qui sont entre les deux. Là. Donc les chats adultes normaux. Ça évoquait donc de meilleures réactions chez les jeunes et les vieux. J'ai l'extrait sonore. Je sais pas si c'est loin dans la vidéo. C'est une vidéo de 3 minutes. Alors, on va écouter ça, voir. Donc le chat est à côté d'un Mac. Probablement bon choix. Là, le chat présentement est en train de regarder partout. Fixe l'écran. Parce que les haut-parleurs sont dans le... Mais oui. Dans l'écran. Et ses oreilles bougent. Il y a des petites... on dirait des petites souris dedans. Ouais, exactement, là. C'est comme des oiseaux puis des souris qui crient en même temps. Ouais, mais ça aurait pu être aussi des... dedans, puis ça les aurait autant... T'as senti plus chat maintenant que t'as écouté ça? J'ai envie de taper les pubs de... Bon, je trouve pas ça si bon. Ben non, mais c'est pas fait pour toi non plus, voyons donc. Ah, OK. En tout cas, on comprend le principe, le chat est bien ben étrié. Hein? Ça va faire, ça va faire. Mais il tripe-tu, tu sais, comme il y a-tu différentes sortes de musique de chat? On va aller plus loin dans la vidéo, classique. On va aller voir. Là, t'as peut-être du rock à un moment donné pour des chats. Là, on voit probablement que c'est différents chats. On est rendu un chat noir, tantôt c'est un chat roux. T'sais. Ah, OK. Donc le chat se vire un petit peu la tête. On va avancer un petit peu. Des fois, les deux chats sont vraiment comme... ils fixent devant eux. OK. Ils ouvrent grand les oreilles. Tu ben, ouvres grand, genre, les oreilles sont comme par en haut. Là. Oui. Et puis là, le chat est vraiment comme avec les yeux grands ouverts. Il fixe devant lui. C'est peut-être ça qu'on appelle les messages de Satan à l'envers sur c'est des... C'est peut-être des... ça. Peut-être la même chose, mais pour les chats. Peut-être. Bref, les deux chats sont bien intrigués. Là. Allez voir la petite vidéo sur assemblagerequis.com. En plus, le maître flatte les chats, puis les chats sont tellement contents d'avoir un humain avec eux. Ah, wow, c'est tellement cute. Beau à voir. Donc, on était en plein milieu de... c'est un fait. Le créateur, en fait, des Sims, Will Wright, a eu l'idée du jeu en reconstruisant sa maison après un feu. Ah, pour vrai? Designer de jeu, donc Will Wright, qui était inspiré pour créer cette maison de poupée virtuelle après avoir perdu sa maison pendant le feu de Oakland en 1991. Il a dû reconstruire sa vie. Il a dû donc remplacer sa maison et ses autres possessions. Ça lui a fait penser à l'adaptation de cette expérience de vie en jeu vidéo. Ah, c'est bien. On appelle maintenant des diplomatic bags, des sacs diplomatiques qui sont protégés par les lois internationales. C'est empêché en fait d'être cherché par les aéroports, les employés et d'autres. Donc c'est, on a décidé donc d'envoyer des parties, des morceaux de toilettes de remplacement dans pour la station spatiale internationale. Donc on avait besoin de remplacer un siège de toilette ou peu importe un morceau de ça. On l'a transporté donc dans un sac diplomatique de la Russie à la Floride pour pouvoir arriver avant le décollage d'une fusée. Oui, parce que si je me souviens bien, en plus, ces fameux sacs diplomatiques-là, ils attendent pas à l'aéroport. Là. C'est automatiquement suspé avec ce petit autocollant dessus. Voilà. Ensuite, tu sais, l'oiseau, là, je l'oublie à chaque fois. Oui, Mathieu, tu parles du colibri. Le corbeau ou la corneille? Le corbeau, la corneille, crow. Hein? Oui. Donc, lorsque que de ces animaux meurent, les autres... corbeaux vont enquêter pour voir s'il n'y aurait pas une menace. S'il n'y avait pas, oui. Ils cherchent les menaces, bref, pour pouvoir éviter ces menaces-là dans le futur. Ah, oh, ouais. C'est un corbeau. Ouais, ben, ça dit. Ah, c'est une corneille aussi. Ouais, un corbeau, mais le corbeau, c'est pas le masculin, puis une corneille, c'est au féminin. Ben, étant donné qu'en anglais, ça dit crow en général, donc il faudrait englober les deux. Et voilà. Ensuite, on va à Hawaï. Hawaï, il y a un phénomène qui s'appelle l'Arina Noon, deux fois par année. Okay? Donc, le soleil est directement au-dessus de leur tête et les objets qui sont directement droits, à la verticale, ne font aucune ombre. Ah ouais. Zéro ombre parce que le soleil est directement au-dessus. Donc ça arrive deux fois par année. C'est la Haina Noon, le midi, le milieu de journée de la Haina. Vous pouvez aller voir des photos sur assemblagerequis.com d'humains, de bouteilles, de poteaux et d'autres trucs qui ne font aucun nombre. Aucun nombre. Avant la réfrigération, les gens mettaient des grenouilles dans leur lait pour le garder au frais, pour éviter qu'il vire. C'est vrai, ça? Je te jure. C'est dégoûtant. Je sais, mais bon. Ça m'écœure. Ouais, grenouille. J'espère qu'il l'avait au moins avant de les mettre dedans. Je sais pas. Peut-être qu'il lavait le lait après. Ah ouais, c'est ça. Savonne ton lait. Buster Keaton, acteur. Tu connais Buster Keaton? Oui, ben oui. Ben, il était fou, apparemment. OK. On a parlé qu'on filmait le film Steamboat Bill Jr. en 1928. Les membres de l'équipe ont menacé de démissionner et le suppliaient de ne pas faire cette scène spécifique. Le caméraman a admis de ne pas avoir regardé pendant que le tournage se faisait. Ça rappelle un petit peu dans un bye-bye récemment. Je me rappelle pas trop quel personnage, un maire d'une ville, que la maison derrière lui lui tombait dessus, mais il passait à travers la porte. Oui, tu te rappelles de cette scène-là? Bon, c'est bien connu dans le bye-bye. Mais ça, c'était inspiré par Steamboat Bill Junior, en 1928. Donc l'idée, c'est que la maison lui tombe dessus et lui passe par la fenêtre. Donc c'est c'est un gros accessoire, le mur de la maison, de 2 tonnes. Et ça passe juste à côté de son bras et le gars ne bouge pas du tout. Je sais pas s'ils avaient testé ça. Il se penche même pas la tête, rien. Là, non, comme il a même pas peur. Probablement, j'imagine qu'il faisait confiance à son équipe. J'imagine qu'il y avait un collant ou quelque chose comme ça, un papier collant à terre pour savoir exactement où il devait se mettre. J'espère. Donc moi, en tout cas, j'imagine que le gars, une fois qu'il a confiance en son équipe, il a peu de raisons de stresser. Mais quand même, ça fait peur à son équipe et on le considérait fou à cause de ça. Ben là... C'est vite bien dit. Quel jugement, ma foi. Je sais bien. Il voulait juste faire du bon travail. Imagine ce que les gens auraient dit sur Facebook. Écoute. Le paléontologue Jørn Horum. Hein? Oui. S'est mis amis avec l'artiste Esther Van Hulsen pour peindre une pieuvre avec de l'encre vieille de 95 millions d'années. Ah, ouais. Il fallait voir les photos sur assemblagerequis.com. Évidemment, sa pieuvre est super bien dessinée. Mais est-ce que c'est de l'encre de pieuvre vieille de 80? C'est ce que j'en comprenais. J'avoue que j'ai pas réfléchi à ça. Mais bon, j'imagine que vu qu'elle a dessiné une pieuvre, moi j'ai fait le lien tout de suite que c'était de l'encre de 95 millions d'années. Donc, allez voir les photos sur le site. Le monde a plus de 50 000 plantes comestibles. Savais-tu ça? Ah, non, je savais pas. 50 000 plantes comestibles, mais il y a seulement 3 plantes qui, une fois combinées ensemble, sont responsables de 60 % des calories dérivées des plantes que l'on mange. On parle donc du riz, du maïs et du blé. Ah, ouais. Les 3 ensemble, ça donne 60% des calories basées sur les plantes. Tu sais, des fois, on dit à quelqu'un qu'on va leur donner la clé de la ville. Oui, ben oui. On voit des cérémonies, des fois, de clé de la ville. C'est une continuation, une continuité, si on veut, une pratique médiévale où les villes étaient, en fait, barrées le soir. Exactement, il y avait des gros murs. Et voilà, des gros murs. Donc, quelqu'un qui recevait la clé pouvait entrer et sortir quand il le voulait. C'était un honneur, un hommage qu'on te faisait lorsque tu avais fait quelque chose de vraiment bien pour la ville. Donc, on a continué ça à travers le temps, donner les clés de la ville. Je pense d'ailleurs que c'est les caporales ou quelque chose de même là, dans le temps là, des médiévales qui en avaient une pour pouvoir sortir si jamais il se passait de quoi pas loin. Est-ce que c'est les caporaux des médiévaux? Peut-être. Ou des caporales des médiévaux? On sait. Je sais pas. Pendant plusieurs mois, après être... Bon, mettons quelqu'un va sur la Lune. Oui. Va dans dans un vaisseau quelconque, dans une fusée, une navette. Donc, pendant plusieurs mois après être revenu sur la Terre, certains astronautes vont quand même lâcher un objet dans les airs s'attendant à ce que l'objet flotte. C'est sûr. Ça arrive pendant plusieurs mois, en fait. Ça continue pendant plusieurs mois. C'est clair que c'est un temps d'adaptation. Oui. Des fois, ils vont lâcher leur tasse de café, des trucs comme ça. Ça peut prendre 3 à 4 jours pour se réajuster après de courts vols, mais 4 semaines ou plus après un séjour de 6 mois dans la Station spatiale internationale. Ah, ouais. Impressionnant. C'est beaucoup. Quelqu'un qui fabrique des maps, des cartes, des maps monde a inventé la ville de Agloe ou Aglo, A-G-L-O-E, à New York. Et c'était un piège à copyright. On a déjà parlé de ça plusieurs fois dans la chronique, c'est un fait, un piège à copyright. C'est comme ça, si quelqu'un copie ta carte, étant donné que tu as inventé la ville, tu peux les poursuivre en disant qu'ils ont copié la carte parce que ça n'existe même pas. Hein? On comprend. Voilà. Donc, quand c'est apparu finalement sur une autre carte dans les années 50, la personne qui fabrique ces cartes-là a essayé de poursuivre l'autre compagnie qui avait copié les cartes. Apprenant par contre que la ville était rendue une vraie ville. Non! Quelqu'un avait créé la ville de Agloé. Ah, c'est drôle. Donc la poursuite était impossible. C'est triste par contre. Oui, non, c'est ça. Ils sont comme approprié le nom que lui avait trouvé. T'es l'imprimé qui croyait prendre l'arroseur arrosé. Charlie Sheen. Oui, hein? Ben oui. L'acteur. Mon oncle Charlie. Mon oncle Charlie, c'est exactement. Ça. A déjà dépensé 6 500 $ pour payer des billets pour 2615 sièges dans le stade de Anaheim. Là, tu vas te dire, Colin Cool, Charlie Sheen est donc bien généreux, il a donné 2615 sièges. Pas tant, non. Okay. En fait, il voulait absolument attraper un coup de circuit avec ses trois amis. T'es sérieux? Devine le nombre de coups de circuit qui ont été frappés ce jour-là. Zéro! Et voilà! Donc, 6 500 $ pour lui et ses amis, alors qu'il aurait pu, genre, donner des billets à des personnes qui ne peuvent pas s'en permettre. Hein? Mais lui aussi, là, à un certain moment, il a été qualifié de fou, hein? Oui, absolument. C'est le Buster Keaton des années voilà. 2000. Tiens, on vient au chat. Oui. En fait, on vient au chat par la bande des chiens, vous allez voir. Donc, les chiens perçoivent les humains différemment par rapport à eux-mêmes. Okay. Okay. Alors que les chats, non. Les chats vont traiter les humains comme ils traiteraient d'autres chats. C'est ce qu'on veut apprendre. Oui, exactement. Un chat, ça peut te frapper. Un chat, ça peut te frapper. C'est vrai. T'as griffé. Oui, c'est oui. T'as liché. Ouais, c'est vrai que toutes les affaires qu'il fait, ça ferait. Il ferait d'autres choses. C'est rare que tu vas voir un chien slapper quelqu'un. Un chat, ça arrive souvent. Depuis que les chats slappent du monde, quel chat est-ce que t'as rencontré? T'as-tu fait gifler par des chats? Tu peux bien être traumatisé, bâtard. Ben, je te jure, des chats, ça fait ça. Eh ben. J'ai jamais vu de chat qui giflait personne. Là. Ben voyons. C'est clair que ton chat, il slappe du monde quand t'es pas là. Ben non. Ma chatte, elle s'en sac ben trop. Tu connais Snoopy? Ben oui. Le petit chien dans Charlie Brown? Oui. Peanuts. Donc Snoopy est en fait la mascotte de la sécurité personnelle pour la NASA. Ah ouais? Ouais, donc le Silver Snoopy Award est un honneur spécial qui est donné à des employés de la NASA et aux contracteurs. Ouais, c'est ça. Donc, pour avoir réussi quelque chose d'extraordinaire par rapport à la sécurité dans les vols, des vols d'humains, ou encore le succès des missions, le certificat, le prix, donc, dit que c'est en appréciation pour le professionnalisme, le soutien incroyable, dedication, donc être dédié à quelque chose, non pas faire une dédicace. Ouais, non, c'est deux choses différentes. On se comprend. Qui va donc améliorer la sécurité dans les vols, dans l'espace et la sécurité des missions, etc., etc. Donc, je traduis ça un peu à botch, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Ah, oh, moi, je savais pas. Snoopy, l'astronaute. Oh my God! Tu voles les punchs, Tazan. Je m'excuse. Tu voles les punchs avant même que j'ai... Je suis vraiment désolé. Faites le fait, franchement. Une école en Pennsylvanie a réussi à faire que les étudiants donnaient de l'argent en fait, aux victimes de Katrina. Mm-hmm. Katrina, l'ouragan, peu importe, ouais, c'est ça. Tout ce qu'ils ont fait pour réussir à convaincre les élèves de donner de l'argent, c'était de jouer la chanson Umbop par le Bad Hanson dans les corridors. Et la seule façon de faire arrêter Umbop par Hanson, c'était de donner de l'argent. OK. En réponse à ça, Hanson a doublé, donc ce qu'on appelle matching, tu sais, quand quelqu'un fait un don, tu donnes le même montant, et a envoyé aussi à chaque étudiant une copie de leur plus récent album. Qui c'est pas génial. Doit être vieux. Oui, exactement, bien sûr, c'était à l'époque où Mbop, j'imagine, était populaire. Donc, c'était 650 étudiants dans l'école. Ils ont ramassé 3 000 $ pour Katrina. OK. Ça a fonctionné, 3 500 $. Voilà. Et la musique a arrêté. Hanson a apprécié le geste, même si c'était à leur dépens. Ils ont donné leur plus récent album qui était Underneath à l'époque. Ah. Underneath. Voilà. Voilà. Donc, c'est la fin du premier bloc de C'est un fait. Évidemment, Tania, tu me demanderais sûrement de le faire. Donc, tant qu'à faire, je vais le faire avant même que tu me le demandes. Mm-hmm. Voilà. On vient après la pause. Un classique de jeunesse. Plus de C'est un fait, tantôt. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Elle est excitée. La fille est tellement cute dans ce band-là avant qu'on apprenne que c'est un gars. Ça, c'est celle qui jouait de la batterie, hein? Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Hockey pour la semaine du 25 juillet 2016 à l'Italia Bowl. Et Mathieu Plante. Alors, on va revenir avec une autre partie de C'est un fait. C'est rare qu'on fait un doublon de C'est un fait cet été. Je me suis dit que ça ferait changement un petit peu. Mm-hmm. Ouais. Mais avant ça, comme on n'a pas entendu de vraies pièces tantôt, j'avais trop honte pour jouer Mbop au complet. Donc, on s'écoute une pièce de Ariel Ariel. Oui. Très bonne pièce que voici à l'instant. C'est comme toi. Ah, sans l'âge requis. Comme ça. Comme ça, là. Rien à dire de plus, là. Non, rien à dire. Arrange-toi tout seul, Mathieu Plante, ouais. J'ai rien à dire. Je te baise. Ariel est la pièce comme toi à Assemblage requis. Maintenant, on va continuer. On était bien parti tantôt quand même sur l'apprentissage de la vie. Oui, on fait bien ça, je trouve. On fait bien ça. Donc, de retour à C'est un fait, il va falloir chanter une deuxième fois pas. Oh non. Je sais, mais ça demande. C'est... Public. Non, public est contre nous autres. Ouais. Des choses que tu sais pas. Des choses que tu sais pas. C'est un fait. C'est pas si mal avec toi, là. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. J'essaie de te suivre. J'ai encore oublié qu'il fallait que je chante. Mais Tania! Je l'ai chanté au moins, là. Chaque intro de chaque chronique d'Assemblage requis a deux. Je sais, j'y ai pas passé. Arrête de mettre tout à terre. Ouais, je sais. T'es en train de mettre ses colonnes de son à terre. Je suis en train de flipper tout. C'est ça, flipper la table. On dirait une télé-réalité avec des bonnes femmes, de femmes de joueuses de hockey, je sais pas quoi. Hockey Wives. Hockey Wives! On n'a pas encore. Est-ce qu'on diffuse en français les Real Housewives? Les vraies beautés désespérées de telle place. Je sais pas, j'écoute pas ça. Bref, vous sauriez de quoi je parle si vous saviez de quoi je parlais. Comment ça? J'ai des phrases qui m'avaient rien à dire. L'odeur de vieux livres. Oui. L'odeur de vieux livres. En fait, peut être utilisée pour dire, pour déterminer en fait l'âge des livres et savoir si les livres sont prêts de la dégradation. Ah, j'en doute pas. C'est un peu comme les arbres. J'imagine que ça a un certain lien, ben, en plus. C'est sûr que ça a un lien. C'est fait avec la même chose, je pense. Probablement, Mathieu. Hein? Le papier, c'est fait des arbres. L'intelligence, c'est... il l'a, là. La compagnie... Oh boy. C'est sarcastique. Oui, comment? Oui, j'avais compris. Que mon humour est tellement incompris. Oh boy. Vous connaissez... fais donc pitié. Vous connaissez la compagnie Texas Instruments? Oui, oui, oui, ça fait pas des calculatrices? Oui. Et voilà. Oui, on a l'impression quasiment des fois que c'est juste ça qu'ils font. Non. Oh, j'ai l'air intelligente, c'est juste parce qu'il y a une petite photo à côté de la... Non, c'est parce que je l'avais mimé, en fait. C'est pour ça que tu connais ça. Oui, oui, je transmets mon intelligence par télépathie. OK. Donc, Texas Instruments. Presque. Bon. Arrête donc, on l'a de presque. Je te vous vois. Oui, oui, ben oui, tout à fait. On est que toi et moi. Mathieu, voilà. Caméra 3. On est très populaire à la TV en Chine, je l'ai déjà dit. Je sais. Texas. Là, personne ne la comprend. Tu vois, notre public chinois est en... Est en délire! Texas Instruments a presque le monopole sur les calculateurs qui font des graphiques. Oui! Plus de 90% des ventes, en fait, de calculatrices graphiques, c'est par la compagnie Texas Instruments. Étant donné ce fait-là, leurs specs, la RAM qu'il y a dedans, je sais pas trop, les affaires de la calculatrice, et les prix n'ont pas changé depuis plus de 10 ans. Ah ouais, j'avais jamais remarqué ça. Hey, tu sais, on est tellement populaire en Chine... Notre public au complet est en train de s'enlever les larmes yeux. C'est fou. Je sais, on reçoit plein de commentaires, plein de vidéos. Tout le monde, ça buzz sur Huawei. Huawei? Sur Yambu. C'est quoi le service super populaire en Asie? Je sais pas, j'y ai pas été souvent. Weibo. C'est ça, Weibo? Weibo? Je sais pas. Télé Weibo. C'est l'émission pour enfants dans le temps. Là, tu parles d'un télédiffuseur? Je parle de Télé Weibo. Télé asiatique? Non, je parle de logiciel de chat. Ah, logiciel de chat asiatique? Ouais. Attends, je trouve ça. Oui, oui. Elle va chercher ça, comment? C'est ça que je fais. Et ça trouve rien! Laisse donc faire. On va aller à la place sur une île. OK, oui, faisons ça. Qui s'appelle Just Enough Room. Juste assez de place parce que l'île, littéralement, a juste assez de place pour une maison et un arbre. Comment tu fais pour te rendre à l'autre bord? Bateau. Ah, pas le choix. Jet ski. Silou. On pourrait construire la nage. Par avion, par hélicoptère, mais dans les airs, tu dis ça avec une échelle. Il y a plein de façons de se rendre. En rappel, là, comme les gens dans l'armée. En rappel. Avec un fil. Ah ouais. Ben oui. T'as jamais fait ça? Non. La sucralose, j'ai jamais rien fait. La sucralose. Oui, oui, oui, comme le petit Splenda. Ben, en fait, exactement le Splenda, parce qu'en fait, le Splenda, c'est du sucralose. Et voilà. Donc, l'équivalent du. L'alternative au sucre, oui. L'édulcorant, c'est le mot que je cherchais. L'édulcorant. L'édulcorant artificiel sucralose du Splenda a été découvert quand un chercheur a mal entendu son boss lui dire... En fait, il a entendu « taste this chemical », donc « goûte à ce truc chimique », alors que le boss disait « test this chemical ». Oh, fait boy. Fait des tests avec ce truc chimique. Okay. Il a entendu « taste », il a dit « ah, OK, boss, miam, ça goûte le sucre ». Voilà, le Splenda est né. Incroyable. Donc, c'est fou, hein? C'est tout le temps par erreur que quelque chose est né. C'est vraiment souvent ça. Donc, c'était... Il y a plusieurs gens qui cherchaient les édulcorants parfaits depuis longtemps, dit Eric Walters, biochimiste à l'université Rosalind Franklin University of Medicine and Science à Chicago, le RFUMFSC. Et voilà. Walters lui-même avait étudié donc, les édulcorants artificiels pendant presque 25 ans. Donc, il était au courant de l'ironie autour de ça. Donc, on dit que, comme je disais, le substitut de sucre, la plupart, en fait, des substituts de sucre ont été découverts par accident. La saccharine a été inventée à Baltimore il y a presque 130 ans par deux chimistes de la Johns Hopkins University qui faisaient des expériences avec des dérivés du charbon et du goudron. Ah, rien de moins. Coal tar derivatives. L'aspartame a été trouvé dans les années 60 par un chimiste médical dans l'Illinois qui enquêtait sur un médicament pour les ulcères gastriques. OK. Et comme j'ai la sucralose, donc en 1976, par un étudiant de King's College à Londres. Voilà. Ensuite. Mais il voulait qu'il teste quoi au fait avec ça? Toutes les questions qui vont plus loin que la surface de mes faits. Je sais. Je sais pas qu'est-ce que je cherche. J'ai des questions comme ça. Mais j'aime ça, j'apprécie ça. Sauf qu'à chaque fois, ma réponse sera, ben, check. Va sur Internet. Je veux que t'aies trop. Et voilà. SpongeBob SquarePants. Oui. SpongeBob SquarePants, Bob l'éponge. À l'origine, t'es supposé s'appeler SpongeBoy. okay. Garçon éponge. Et l'émission était supposée s'appeler Sponge Boy Ahoy. Ce qui est vraiment quand même cool comme titre, on va se dire. Tu sais quoi? Quoi? Ahoy, c'est le nom de famille d'un de mes amis, écrit pareil. C'est sérieux, parce que jure. Ahoy, ça veut dire genre aïe, capitaine, genre, comme c'est, un, c'est un salut du capitaine, là. Mm-hmm. Ahoy, il me semble. Oui. Donc, ton ami s'appelle Ahoy, son nom de famille. Oui. C'est spécial. C'est Algérie. Algérie, oh, intéressant. Prénom? Lucas. C'est plat. le personnage devait s'appeler Sponge Boy et l'émission Sponge Boy Ahoy. Mais ils ont dû changer de nom parce que Sponge Boy était le nom sous marque de commerce d'une mop. Ah, pour vrai? Oui, donc la mop Sponge Boy. Ah. Oh. C'est peut-être lui qui a inventé l'éponge, la mop, ton ami. Peut-être. Lucas Ahoy. Ça me surprendrait. Le L dans le mot coude, tu sais, quand tu dis could, I could do that, je pourrais faire oui. ça, c'est C-O-U-L-D, a été ajouté intentionnellement au 15e ou 16e siècle, on ne sait pas encore, simplement pour concorder avec l'épellation de would et should. Ah, ouais. Donc, should s'écrit avec LD, would avec LD, mais could s'écrivait sans le L, c'est OUD. Donc, ils ont décidé de le faire. Matché! Un atome crochu. Et boy, c'était pas drôle pourtant. T'avais vraiment pas besoin de rire. Toujours dans C'est un fait où on se fait une grosse heure de C'est un fait aujourd'hui, c'est le fun comme ça. Le prochain fait, c'est-tu de quoi ça parle? D'un chat. Parce que toi, tu l'as d'ouvert déjà, tu sais. Non, je m'en doute. Ah, ok, non, je sais pas. T'aimes ça les chats, Mathieu? Je sais que j'aime ça les chats. Minimum deux fois par émission, tu parles de chat. Oui. Minimum. C'est un fait par. Je pense que le prochain coup, je, sérieusement, chaque fois que tu vas dire chat, je vais faire une petite marque, puis à la fin de l'émission, je l'ai dit. À la fin, je vais gagner quoi, un chat? Ben non, t'en as déjà un. Ouais, pis c'est ça, pis mon chat aime pas les autres chats. C'est ça. Un chat tu aveugle. Vois, il slap. un chat aveugle nommé Homer. Oui. Tu vas voir, c'est vraiment cute. A risqué sa propre vie pour sauver son propriétaire. Okay? Oh. Le propriétaire nous raconte l'histoire que lors d'une soirée terrifiante à Miami. C'est terrifiant, déjà pas de temps. On dirait un documentaire à Canal déjà. C'est ça. Lors d'une soirée terrifiante à Miami. Homer s'est lancé sur un homme qui était entré dans l'appartement de la femme, ok, donc par infraction, pendant qu'elle dormait. Le chat a chassé l'intrus de la chambre à coucher et l'a amené jusqu'à la porte dans l'avant puis il a dit « Va-t'en! » Il était-tu aveugle à ce moment-là ou il est devenu aveugle à la suite de, ce, de cette péripétie? Il était aveugle avant. Ok. Ouais. Étrange, hein? Un chat aveugle nommé Homer. Ça veut dire qu'il a senti un corps étranger? Oui! Voilà. Entendu, senti, goûté et touché. Attends, on sait pas. Arc. On sait pas. Oh boy, merci pour le support. Tu goûtes pas comme ma mère. Super auditif. En 1884, tu goûtes pas comme ma mère? Ben, un chat... Tu citais le chat. Oui, oui, c'est ça. Citation ici. Ouvrons les guillemets. Ouvrons les guillemets. En 1894, Londres et New York étaient remplis, en fait, ben, je sais pas si c'était jusqu'aux chevilles ou jusqu'aux joues, mais de caca de cheval. On estimait à l'époque que dans 50 ans, les rues de Londres allaient être enterrées sous 9 pieds de caca et de caca... Excuse-moi. De caca et de carcasse. Oh boy! Pour vrai? Avoue que c'est facile de mal le dire. Caca et carcasse de oui. cheval, de chevaux. Mais l'invention de l'automobile a évidemment réglé le problème. Donc on s'est pas rendu jusqu'à là. Mais ils ont mis ça où? Oh, bonne question. Biodégradable. Tu vois, une autre question qui rentre dans la question. Oui, mais j'aimerais ça qu'à chaque... En fait, dorénavant, ton rôle dans cet effet va être de poser de une question à laquelle je n'ai pas la réponse. OK, c'est bon. Dans chaque fait que tu vas me... Oh boy, je vais essayer. J'imagine qu'ils ont mis ça dans un site d'enfouissement, je sais pas. Ou ils l'ont brûlé, peut-être. Peut-être. Ah, ça doit sentir mauvais jusqu'à des... Ou ils en ont fait de l'engrais? Peut-être. Peut-être. Ouh. Que de théorie. Les hommes et les femmes... ont différentes odeurs de sueur. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, les femmes ont plus de sulfure dans leur sueur comparé aux hommes. Les autres, et là, on nous précise dans l'article... Fait que tu sens plus le mort quand t'es une femme? Oh non, ça, c'est le soufre. Ah ouais. En fait, je crois que le sulfure est peut-être l'équivalent de soufre. Je pense que oui. Sulfure. Mais ça, le sulfure, c'est du soufre. Ça se peut très bien, pour vrai. Mais je comprends pas d'abord comment ça fait qu'ils l'ont changé. Sulfure, je crois vraiment que c'est du soufre. Deux secondes. Is a chemical element with symbol S. C'est du non, soufre. C'est du soufre, c'est bien du soufre. Alors, la femme sent la morte. Non. Lorsqu'elle sue. L'article le dit. L'odeur corporelle de la femme sent les oignons, alors que les hommes sentent le fromage. C'est dégueulasse. Je sais, c'est vraiment dégueulasse. Faudrait s'approcher de moi pour mais le savoir. Mais pourquoi on sent les oignons puis eux le fromage? Ben, c'est le soufre quand même, t'écoutes pas. Ouais, mais le soufre, ça n'a aucun rapport avec les oignons puis le fromage. Non, mais c'est ce qui fait que ça sent ça. OK. Ouais. Mais les hommes sentent moins le soufre. J'imagine, ouais. Ou leur soufre est plus fort. Parce qu'est-ce qui sent plus fort entre le fromage puis l'oignon? Ouais. Tu vois, c'était ma question, à pas de réponse. T'as posé quatre questions. Fait que là, dorénavant, les quatre prochains faits, trois prochains faits, pas de questions. tu connais l'acteur Leonard Nimoy qui joue dans Star Trek, les séries originales de films et de séries télé. Si, Seigneur. C'est ça que t'as dit? Si, Seigneur. Si, Seigneur. Leonard Nimoy est apparu en public dans le costume de Spock une seule fois. Il a eu besoin de la police pour éliminer les gens qui, avaient besoin de son, qui demandaient son autographe. Donc, il n'a pas répété l'expérience. Ça l'a traumatisé. Bonne idée. Ouais. En 2014, tu connais les Hot Pockets? C'est pas des pizzas pochettes, ça? Genre, mais comme un petit peu plus floconneuse, là. OK, oui, mais oui. C'est oui. Mon micro-ondes pareil. OK, ouais. Bon. Bref, les Hot Pockets en 2014 ont rappelé des produits parce que la viande dans leurs produits, on a appris que c'était fait... Oui, je sais, je vois ta face. C'était fait en utilisant des animaux qui n'étaient pas bons pour la consommation ou... Bref, ça dit... Malade. Ça dit « deceased or unfit animals ». Deceased veut dire « mort » et non pas « deceased » comme d'argent. C'est pas une « disease » comme une maladie. Ouais. Je pense que c'est la version « deceased ». C'est pas dans... je trouve ça juste dégueulasse. C'est vraiment très dégueulasse. En fait, je pense qu'il plaît comme ça doit être qu'il était malade. Peut-être. Je pense que « deceased » comme « mort », ce serait « d-i-c-e-a-s-e ». C'est malade. C'est ça. Donc, les animaux qui n'étaient pas corrects pour la consommation, la USDA, qui s'occupe de ça, de la nourriture, a dit que le produit ne devrait pas être consommé par l'humain. Donc, on a rappelé les produits Hot Pockets. Ah ben oui, excusez, on va juste le donner aux cochons dehors. C'est ça. Aux sans-abri. Aux sans... comme si c'était pas des humains! C'est une blague. Je faisais juste citer quelqu'un qui disait ça. Là, j'ai pas de questions à dire là-dessus. Merci. tu vas préciser à chaque fois que t'as pas de questions. Et voilà. OK, j'aime ça. On a une complicité incroyable. Chaque balle est utilisée dans une partie de la MLB, la Ligue majeure de baseball. Oui, des bisboules. Des bisbilles. Et couverte de boîtes. Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça s'agrippe mieux. Ah, OK, oui. Donc, c'est couvert de boîtes qui vient d'un endroit secret dans le New Jersey. Une personne responsable de ça va dans les rivières, okay. Va dans les petits cours d'eau pour ramasser cette boîte-là dans un endroit secret, va la raffiner et va ensuite l'appliquer aux balles. Ça s'appelle, en fait, ça a un nom, cette boîte-là, ça s'appelle Lena Blackburn Original Baseball Rubbing Mud. Mais donc, c'est pour ça que les balles de baseball sont jamais vraiment très blanches. Non. Elles sont tout le temps un peu comme beige, et parce que la boîte est déjà sèche. Et c'est pour ça que les gars qui s'en servent ont tout le temps les mains sales aussi. Mais t'as besoin. Donc, ça s'appelle la boîte à frontaison. C'était terriblement mal placé, Mathieu Plante. Je sais, ça me fait rire. Alors, en 1992... Je suis bien content que tu comprennes pas le français. Oh boy! Oh boy! Parce que t'as encore un autre prospect du baseball. Mais non, okay. Hey, on peut-tu pas parler de ma vie? C'est toi qui viens de parler en premier, tu viens juste d'en parler. Non, c'est toi qui as parlé oui, des mains sales. T'as continué. C'est toi qui m'as parlé. Juste t'en mettre enchaîné. Non, gars, passons alors. Mais rajoute un facteur. OK. Alors, en 1992, Michael Jordan. Oui! Basketball. Oui, merci pour le mime. Ça fait plaisir. Caméra 3. Pour les auditeurs en Chine qui nous ont sur leur télé. C'est ça. Michael Jordan, en 1992, était ambassadeur de Nike. Nike. Oui. Mais son équipe était commencée par Reebok. Ah ouais, ça, je savais pas. Ouais. Donc, son uniforme avait un petit signe de Reebok sur son épaule droite, l'autre épaule. Jordan a donc porté un drapeau américain par-dessus son épaule droite pour complètement cacher le logo de Reebok, disant, et je cite, « Le drapeau américain a priorité sur tout. » Ouh là là! Ouh! Ben en fait, c'est pas vraiment la phrase qu'il a dit. Il a dit « The American flag cannot deface anything », donc elle ne peut pas être cachée par rien, ouais, quelque chose comme ça. En tout cas, bref. C'est, vous savez ce que ça veut dire? C'est dans vos dents. Le drapeau américain, c'est plus important que l'enseigne ou le sigle de Reebok. Puis je suis persuadée, le pire, que Reebok a dit « Ah oui, tu as raison! » T'as raison, tout à fait. Puis c'est devenu un slogan pour une prochaine pub, genre. Ça serait parfait, ça. Entre 1993, juste après. C'est ça. Juste après Michael Jordan. En 1993 jusqu'en 2008, la même ADN a été découverte sur 40 scènes de crimes différentes en Europe. Hein? Ce qui a mené à l'enquête qu'on appelait Phantom of Heilbronn. Finalement, on a appris que c'était une femme qui travaillait dans une usine de coton-tige qui, par inadvertance, avait contaminé le tissu, le coton, pardon, avec sa propre ADN. Ben oui. Donc on cherchait quelqu'un, le fantôme de Heilbronn. Ça aurait pu être, vu que c'était juste après Michael Jordan, ça aurait pu être LeBron James, puis elle appelait ça le Phantom of High LeBron James. LeBron James. Ensuite, c'est une jeune policière en plus qui avait été tuée la première fois. Wow, fait que là, t'es en train de faire ta recherche pendant la chronique, c'est quoi? C'est malade, hein? C'est déjà fait. Les enfants à l'école, donc les écoliers américains, oui, sont en 25e place en termes de mathématiques et 21e en termes de sciences sur le top 30 des pays les plus développés, mais ils sont en premier dans la confiance d'être meilleur que les autres. Ça, c'est sûr. Il se disait numéro 1 dans chaque catégorie. Oh, on est sûrement numéro 1 en maths, sûrement numéro 1 en sciences. Non. T'es super numéro 1, par contre. C'est le concours d'épellation qu'on écoutait l'autre jour, Mathieu. Est-ce que tu te souviens de sur ça? Sur RDS 14, non? Hein? Oui, exact. Ouais. Mais c'était quasiment tous des Américains. Oui, absolument. C'est vrai. Je me demande si c'est pas un concours américain, par contre. Ah oui. Ah, je pense c'était l'abeille. C'était le National Spelling Bee, donc c'est seulement les Américains qui peuvent partir. Mais bon point, quand même. Si on veut. Google. Ils étaient tous confiants. C'est ça. Google, tiens, a voulu en fait profiter, essayer de créer des équipes les plus efficaces possibles entre leurs employés. Okay? Okay. Donc, ils ont nommé ça le projet Aristote. Project Aristotle. La recherche a donc, nous apprend donc que la sécurité psychologique est le facteur le plus important dans une équipe qui a du succès. Donc, c'est l'habilité de prendre des risques sans avoir peur d'être jugé par les autres. Et c'est comme mais ça qu'on a pu pas. Mieux créer des équipes. C'est une vraie bonne chose. Si t'as pas peur de faire rire de toi, mettons, comme dans une équipe de radio, mettons. T'as-tu peur de faire rire de toi, mettons? Toi? Non. Ton joueur de baseball? Aucunement. Dans son équipe? Dans son équipe? Ouais. Je sais pas. Tu lui demanderas. Ouais. S'il me comprend. Ah, c'est sûr. le département policier, un département policier, pardon, il y en a plusieurs, dans le Michigan, a organisé un faux mariage avec des policiers undercover qui jouaient le mari et la femme. OK. OK. L'époux et la femme, peu importe. Donc, ils ont invité des dealers de drogue à ce mariage-là. Et à la réception, ils ont tous arrêté un après l'autre. Non. Ouais. Hey. C'est fou, ça, quand même. Mais c'est ce qui me rappelle une anecdote, quand même, moi, je trouve cocasse. Là, vous allez sûrement me dire, c'est donc un plate comme anecdote. Tu t'es fait arrêter en vendant de la drogue. T'as un peu que je m'en rappelle. J'ai une mauvaise mémoire. OK. Le poste de police, juste à côté du terrain de l'expo. Oui, le poste de police de Trois-Rivières. Genre, pour ceux qui sont pas de Trois-Rivières. Tout à fait. Présent et fier de l'être, comme genre, on est là, puis on est bien content d'être là. C'est ça. C'est leur voilà. slogan de. En tout cas. Non, mais on va se le dire, présent et fier de l'être, là. C'est un slogan qui veut rien dire. En tout cas, vas-y, continue. On est là, puis on est content d'être là. Okay. Bref, leur stationnement, ok, c'est marqué oui. stationnement en petit, c'est marqué P comme dans un stationnement, oui. D comme dans le stationnement D. Okay. Je ferai pas de blague de PD, c'est pas ça non, la blague. Non, okay. C'est que, non, mais c'est pas ça la blague. J'avais peur, as-tu vu mon visage? Je l'ai vu venir. Là, hein? Il y avait une interrogation dans mes yeux. Mais non. C'est comme traite pas la police de PD, il y en a qui nous écoutent. Mais non, vous avez trouvé ça un petit peu une coche plus intelligente que ça. Ok. C'est marqué stationnement PD, mais en anglais, on dit Police Department PD. La police, c'est le PD. C'est le stationnement PD. Police Department. Ben, c'est ça. Non, c'est stationnement non, Police Department. Non, c'est stationnement parking. Stationnement D. Mais il est où le stationnement E? Ben là, je sais-tu. Oh. Toi, pis des questions. Je sais pas. Ben, je t'ai dit que j'allais avoir une question pour chaque étape. Je sais qu'il y a un stationnement en arrière, stationnement sur le côté, un stationnement là. Ouais, ok. Sûrement qu'il y a un stationnement pour les pompiers. Ah, peut-être. Pour les fourgons policiers. Je sais pas. Mais PD, bref. À la fin... Mathieu, c'est ça parce qu'il passe au travers du stationnement. Vraiment, là, ça paraît pas. il suit quand il arrive. À la fin de Harry Potter. Oui. And the Goblet of Fire. Oui. Le générique dit « Aucun dragon n'a été blessé pendant c'est vrai. Le tournage de ce film. » C'est vrai? C'est vrai. Ouais. C'est le fun, au moins, qu'il l'ait mentionné. Un groupe d'étudiants à l'école secondaire en Sicile. Aussi. C'est en Italie, ça? Oui. Ouais. A inventé une machine distributrice qui change les déchets en étui de plastique pour votre téléphone. En fait, va déchiqueter les bouteilles de plastique, va faire des petites balles, si on veut, de plastique, qui sont ensuite fondues pour être réutilisées par une machine d'impression en 3D qui va créer une variété d'étuis de téléphone et va encourager les étudiants à recycler plus. Hey, c'est cool! C'est fantastique et en plus, ça paraît pas que c'est recyclé. C'est très, très beau. J'adore. C'est très beau. Puis j'imagine que t'as différents... Tu sais, tu peux pas faire exactement celui que tu veux. Ouais. Il doit avoir des idées. J'imagine. Parce que sinon, l'imprimante, hein? Tu sais, ça charrie pas. C'est ça, hein, exactement. Ça fournit pas. Il y a un animal qui s'appelle le Chinese Water Deer. Deer, c'est... À tous les gens qui nous écoutent en Chine. Oui, mais ben, absolument. Absolument. Le public qui nous voit asiatique. Oui. Deer, c'est quoi? C'est pas orignal, c'est ça? C'est un orignal. Orignal ou l'autre? Il me semble. Il y en a un autre, un animal avec des cornes, mais l'autre est mort. Bref, il y a un animal qui s'appelle le Chinese... Le chevreuil, tu veux dire? Chevreuil. Ah, c'est mon chevreuil, ben oui. Deer, c'est chevreuil? Bon. Ben oui. Donc, parce que quand tu dis, ben c'est un cerf en temps normal. Ah. Mais quand tu dis, hey, my deer, des fois, il y en a qui disent, hey, salut, mon chevreuil. Ah, je sais pas ça. T'as jamais entendu ça? J'ai jamais entendu ça. Salutations à mes amis qui se l'ont déjà fait dire. Ben, donc, il y a un animal qui s'appelle le Chinese Water Deer. Hein? Oui. Cerf, chevreuil, chinois, d'eau. Des eaux. De l'eau. De l'eau. Donc, ils ont pas de cornes. Non. À la place, ils ont deux crocs. Comme les comment t'appelles ça? Les rhinocéros. Les otaries. C'est un otari qui a des ils appellent aussi des vampire deer, donc chevreuil vampire. OK. C'est vraiment beau, par contre. Mais ils ont l'air un peu bizarre. Ça? C'est l'otari ou le phoque qui a des dents? Le morse. Hey, enfin, je n'ai eu un point. Versus tous les points que t'as eu. Et voilà. L'eau. Ah, ça, c'est intéressant quand même. Il y avait une mine. Tu sais, un quarry? Oui. Genre, comme un caillou. Un pit. Bref, l'eau, à côté de ça, a dû être teinte noire parce que les gens nageaient dans ce lagon-là. C'était vraiment bleu, là, super beau, là, comme on voit dans les carrière. Photos. Une carrière. Oui, une carrière. Donc, l'eau était super belle, super bleue. Mais le pH de l'eau était à 11,3. Iiii. Pas correct pour les humains. Non, va pas mettre ton corps là. Donc on a atteint l'eau noire. Ah, c'est une bonne idée au moins. Ouais. En 2008, je vais finir le bloc. J'imagine qu'il y a des gens qui sont ramassés à l'hôpital là, par probablement, ouais. Après avoir été baignés là-dedans. Ouais. En 2008, le British Marine Lance Corporal, donc ça c'est son titre, Matthew Crouch, s'est lancé lui-même dos d'abord, donc s'est lancé vers l'arrière sur une grenade pour sauver ses camarades. L'explosion l'a lancé dans les airs, mais son sac qu'il portait sur lui a absorbé l'explosion et il a pu quitter cette aventure avec seulement un segment de nez et un mal de tête. Hein? Attends, là. Il s'est lancé sur une grenade pour sauver ses amis. Il y avait une défectuosité dans la grenade pour pas que le gars explose. Son sac le protégeait, il sautait dans les airs, bloup. Il y avait quoi dans le sac? Je sais pas. Une grenade, ça explose quelque chose de rare, là. Il n'y avait pas une grenade, en tout cas, dans son sac, c'est ça. J'espère pas pour lui. À Fairbanks, en Alaska, c'est illégal pour... Et là, encore une fois, Moose, là, c'est un orignal. Oui. Faudrait que j'associe Moose avec orignal tout le temps. Puis là, le reste viendrait facilement. Donc, à Fairbanks, en Alaska, c'est illégal pour un orignal d'entrer dans un saloon via le trottoir. Cette loi-là a été créée pour essayer d'empêcher un propriétaire de taverne locale de saouler son animal de compagnie qui était un orignal et empêcher les bris et les dégâts, les dommages que faisait son orignal de compagnie quand il avait bu. Pour vrai? Je te jure. C'est très comique. Ils ont écrit une loi avec ça. La CEO Chief Executive Officer, genre de directrice générale de YouTube présentement, Susan Wojcicki. J'imagine qu'on prononce ça similaire à Wojcicki, en tout cas. Et la femme qui en fait louait le garage de Larry Page et Sergey Brin en 1998 quand ils créaient Google. Donc c'était elle qui était la propriétaire du garage et leur louait un garage à ces deux gars-là quand ils créaient Google. Et j'imagine donc pour lui redonner la faveur, ils l'ont engagé. Tu sais combien qu'elle louait son garage? 1700 par mois. Ouais, c'était en 1998. Donc elle a une bonne relation avec les fondateurs de Google qui datent de ce temps-là. Page et Brin ont gradué de l'université Stanford et ont donc essayé de changer leur projet qu'ils avaient à l'université en entreprise en 98. Ils ont donc loué un garage à Menlo Park de Mme Wojcicki, comme tu disais, pour 1700$ par mois. Et finalement, pour ce gros bloc de C'est un fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques ont capturé les Allemands et les ont mis dans des manoirs, dans des beaux manoirs, mais des manoirs dans lesquels il y avait des microphones de cachet. Oh. Donc, on leur servait du vin et de la nourriture et on a donc pu ramasser des informations importantes dans des conversations super relaxes entre des prisonniers de manoirs et ça les a aidés donc à gagner la guerre, les Britanniques, bien sûr, parce que c'est eux qui avaient créé ce manoir-là. Bonne idée quand même! C'est croche, c'est un peu pas correct. Ben, c'est manipulateur. Mais everything's fair in love and war, je sais pas quoi. Exactement. Ouais. Puis quand tu y penses, c'est comme des agents secrets. Oui, absolument. It's fair in love and war. C'est exactement ça la phrase. Wow! Crime, j'étais pas pire finalement. Voilà, c'est tout pour C'est un fait. La chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Retrouvez donc les liens si ça vous intéresse sur assemblagerequier.com. On prend une petite pause et au retour, il va y avoir un petit peu de ça existe. Oui. Quelques minutes. Après ça, ta chronique à toi. Ben oui. Et après ça, plein d'autres affaires. Oh my God. Oh my God. On revient dans quelques instants à Assemblage Requier. 2 minutes environ. Merci. À tantôt. Aujourd'hui. À Trois-Rivières, c'est le 89.9. C'est fou. Vous êtes à Assemblage Requis pour la semaine du 25 juillet 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc. Dans quelques instants, on va s'acheter quelques petits gadgets en rafale. Avant ça, par contre, je voudrais dédier une pièce là, à l'été qu'on subit. Oui. Il est donc humide en ce moment. Ah, c'est vrai. Et tous les jours sont humides ces temps-ci. Absolument. Il faut se magasiner un déshumidificateur. Oui. Ce qui est ce que je fais. Ah oui, c'est ça que tu fais présentement? Ben pas là, parce que j'ai animé une émission de radio. Non, mais ces jours-ci. Oui, ces jours-ci, exactement. OK. Bref, je dédie cette chanson-là d'un artiste qui s'appelle Andy Chauve, comme dans Andy Chauve. Ouais. Tu dis vraiment, ça fait Andy Chauve, tu dis vite, ça fait Andy Chauve. Ouais, tout à fait. Voici The Magician. à Sauvage Rock. Par Andy Schauf à Assemblage Requis. Ben oui, ça se prononce sûrement pas Schauf, là. C'était juste pour la gag tantôt. Mm-hmm. Vous êtes à Assemblage Requis. Maintenant, on va s'acheter une petite rafale de gadget. Tu sais, un petit peu comme quand t'arrives proche de la caisse, puis là, tu vois comme plein de produits en même temps. Oui. C'est comme je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tout à fait. Oink, oink, oink. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. Oh là! Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets ridicules achetés sur Internet. J'ai dit en début d'émission, si vous étiez avec nous, il y a peut-être une heure et quart environ, je disais que j'avais marché très longtemps, j'avais super chaud, on avait en studio, etc., etc. Peut-être pourrais-je me procurer ce ventilateur pour dessous de bras. Hey, c'est merveilleux, cette chose. Ça se clip sur la manche d'une chemise ou d'un chandail. Et c'est une fan. C'est une fan clip, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein? Mm-hmm. Vraiment. Ça s'appelle le Under the Armpit Cooling Device, ou bien sûr, le Wakino Shitakura. Oui, ben oui. Non, c'est ça. Donc, ça fonctionne à pile. Ça s'attache à vos vêtements et ça envoie de l'air froid qui devrait donc... en fait, de l'air... ça fait juste renvoyer de l'air. Je pensais pas que ce soit de l'air refroidi quand même. Est-ce qu'il devrait garder la sueur au loin? Ça fonctionne entre 5 et 9 heures de temps, dépendant de la vitesse que vous choisissez. Il y en a 3. On peut charger via USB. Et il y a ici, il y a aussi un battery pack portatif qu'on pourrait mettre après pour que ça fonctionne plus longtemps. Ça coûte environ 40$ pour la paire. Donc, paire pour les deux bras. OK, oui. Il y en a qui suivent plus d'un bord que de l'autre. C'est sûr. J'imagine que tu pourrais mettre un à plus élevé et l'autre à plus bas. Probablement. Le coefficient. C'est un vrai produit qu'on peut vraiment acheter. Donc, c'est ça. C'est le Under the Armpit Cooling Device. C'est cool. Faudrait le tester. Oui, j'aimerais ça pour vrai. C'est... ça m'aiderait beaucoup, sauf que ça paraîtrait énormément que j'ai sorti. C'est sûr, hein? Faut aussi bien trouver un meilleur désodorisant. Tu peux pas sortir avec ça au bar, mettons. Pas tant, non. Pas tant. Même au travail, tu vas faire rire de toi pas mal. Ensuite, tiens, on reste dans le froid, dans tout ce qui est refroidissement, avec un cooler motorisé. Ooh. Vous avez tous vu passer sur Facebook la valise sur laquelle on peut se promener. Ah, mon Dieu, ça a-tu pas l'air rien qu'un peu? J'en parle pas parce que tout le monde en a parlé. Mais ici, on parle d'un cooler motorisé qui est vraiment bien aussi. Attirer l'attention avec ce cooler de 94 quarts. Des quarts, c'est une quantité de mesure de liquide. Ça vient avec un moteur de 500 watts monté à l'avant, sur la roue d'en avant, oui. Et puis ça peut aller à des vitesses de 18 miles à l'heure. Puis ça, comme tout le monde le sait, en dollars... en dollars. En kilomètre-heure, c'est... Attends un petit peu. Kilomètre. Allô. 18,29 kilomètre-heure. Hein? Ça me semble que c'est bien trop proche. C'est vrai? Non, 28,97. 28 km/h. Tout ça pour le majestueux prix de 1200$. Pour un cooler motorisé. Faut vraiment que tu boives beaucoup et que tu aies beaucoup de transport de boissons à faire. C'est sûr. On est en plein processus électoral depuis peut-être un an et quelques pour encore plusieurs mois. Presque 5 mois. C'est tellement interminablement long. Mais... Hillary Clinton a enfin réussi à remporter l'investiture de la présidence candidate du côté des démocrates. En fait, ça va être annoncé jeudi, pour ceux qui nous écoutent en direct. Et on sait que c'est une femme dure, une femme stricte, une femme forte, on l'appelle, tellement qu'elle peut maintenant casser des noisettes avec ses cuisses. Ooh. Avec le casse-noisette Hillary Clinton, elle a des cuisses en acier. Oh boy. Elle craque les testicules les plus difficiles, les plus durs, comme on dit en anglais. Parce que c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. C'est un jeu de mots entre notes et noix, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on mise sur le jeu de mots. 38$, 37,50$ américains pour le Hillary Clinton Nutcracker. Ça fait quand même 9 pieds de haut. Quand même. Non, pardon, 9 pouces de haut. C'est okay. Un demi... c'est comme 9 pieds de c'est haut. C'est 3 quarts de pied. Voilà. C'est comme si c'est des grosses noix. Ouais. Ensuite, tiens, est-ce que tu as déjà eu des bonnes idées dans la douche? Oui. Ça arrive, des bonnes idées dans la douche. C'est vrai. Et là, tu te demandes... Mais des grandes réflexions. Oui. Ça arrive vraiment souvent. Puis j'ai souvent discuté avec mes amis. Il y a de grandes réflexions qui se font dans les douches. Ben, arrête d'essayer un miroir dans ta douche, puis ça va être calme. Oh boy. Pas ce genre de réflexion-là, Mathieu. Non. Donc, pour capturer ta prochaine idée, dans la douche... Oui. C'est un tableau blanc qui va dans la douche. Oh, c'est parfait. Et absolument que c'est parfait. Hein? Donc, c'est le Eureka Shower Idea Board. C'est à l'épreuve de l'eau, bien sûr, montable dans la douche. Ça vient avec un carnet de 50 feuilles de papier à l'épreuve de l'eau. Donc, c'est pas... Il y a l'aspect tableau blanc autour, mm-hmm. mais aussi des feuilles que tu peux enlever. Tu comprends? Donc, c'est des feuilles avec du papier à l'épreuve de l'eau. Tu peux enlever ces papiers-là et les sortir de la douche. Ou le tableau blanc, ça va être seulement à l'intérieur de la douche. Ah, oh, c'est parfait. Donc, le Eureka Shower Idea Board qui coûte 17$, disponible sur Amazon. Bien sûr. Ensuite, tiens, quand tu prends des photos sur ton iPhone, ton téléphone cellulaire, peu importe, tu aurais envie de pouvoir faire imprimer tes photos tout de suite. Oui. T'es pas assez patiente pour attendre. Non. Ah, j'aime tes reaction shots aujourd'hui. Oui. Non. Ah! Voilà. Tu pourrais te faire imprimer des photos comme un Polaroid directement sur ton appareil cellulaire. Oui, ça serait vraiment cool. Pour 150$, c'est tout ce que c'est un case pour vos téléphones. Donc, tu mets ton téléphone dedans, la photo est directement imprimée sur le derrière du téléphone. Pour 150$, c'est quand même cher, mais ça peut valoir la peine. Ça s'appelle le Print, P-R-Y-N-T. Photo instantanée, c'est pour le iPhone 6S et iPhone 6. Il y a aussi des modèles pour d'autres iPhones et d'autres téléphones. On le voit sur la photo sur un Samsung. J'ai vu des gens avec ça récemment. Es-tu sérieuse? À Toronto. Ah oui? Oui. Ah oh, wow, pour vrai, je ne m'attendais pas à ce que ça se vende. Ça se vend, mais c'est que ça s'achète. En tout cas, ouais. Que les jeunes l'achètent, tu comprends ce que je veux dire? 6+, 6S+, 6S, 6 tout court, et SE et 5S. Voilà. Ça, c'est... C'est bien. Je vois pas le Samsung là-dedans, mais c'est pas grave. 150$. Ensuite, tu sais, on a parlé de cooler tantôt. Un autre cooler qui est vraiment une très bonne idée. En fait, c'est un cooler qui va rester tout le temps à l'extérieur. Vraiment, c'est super cool. C'est comme une table. Oui. Une petite table de pique-nique, sauf que dans la table, t'as un compartiment un peu comme. Comme vide. Une table rétractable, mettons. Rétractable. Oui, rétractable. Je pense que ça fonctionnerait encore mieux pour le jumeau qui pourrait faire potentiellement rétractable, tu sais, sur l'emballage. Oh, voilà. Donc, la table se soulève de l'intérieur du pot, on dirait un pot de fleurs, si on veut. Oui. Tes breuvages et ta glace sont à l'intérieur, et après ça, tu viens les enlever dedans et les mettre sur le dessus de la table pour 84$. Vous pouvez mettre ce que vous voulez de la glace dedans, de la glace et des breuvages. Plus de glace encore pour vos breuvages extérieurs, peu importe. Ça fonctionne, ça reste froid pendant des heures. C'est cool ça, on aime ça. Ouais. Ensuite, très simple ici, c'est une clé USB, mais en forme de bloc Lego. 10$. Rien de plus à dire. 8 gigs. Disponible en plusieurs couleurs avec un petit, petit attache porte-clés au bout. C'est joli, sauf que ça prend, c'est un petit peu plus large qu'une clé USB normale. Doit être facile à perdre, par exemple. Je sais pas. Moi, je dirais quasiment moins facile à perdre. Moi, je suis du genre à perdre toutes mes clés USB, fait que celle-là, c'est sûr que je la perdrais aussi. Peut-être, mais si t'en as plusieurs, tu pourrais imbriquer plusieurs 8 gigs ensemble pour avoir une grosse giga clé USB. C'est vrai. Bref, Lego Brick USB Drive. Pour ceux qui ont un petit appareil de cinéma maison, style Apple TV, une Roku, Google Android TV ou Comcast, de peu importe, là, ceux qui ont un appareil qui se branche dans leur télé pour regarder du Netflix et d'autres trucs comme ça, vous trouvez peut-être que votre manette n'a pas assez d'options. Ça arrive. Donc, vous pouvez maintenant acheter le SideClick. En fait, je l'ai déjà vu il y a plusieurs mois, mais là, je l'ai vu en spécial, puis ça m'a rappelé que ça existait. En fait, on peut l'acheter pour aller directement avec votre Apple TV, Amazon Fire TV, Nexus Player, Roku, et c'est spécifique à votre modèle. OK. Et les touches servent à quelque chose juste pour votre modèle. OK. Donc, c'est le SideClick, ça vient se clipser sur le côté de votre manette. Ça ajoute un bouton programmable infrarouge. Okay. Ça donne la possibilité à votre manette de contrôler le power de votre télé, ce qu'on peut pas faire habituellement avec une manette normale. C'est vrai. Ça peut choisir l'input, ce qu'on peut pas faire non plus avec une manette pour vrai. Ça ajoute énormément de bonnes choses. Input, volume, power, sans avoir à tout le temps trouver votre deuxième manette de télé. C'est merveilleux. C'est vraiment super cool. C'était une campagne sur Kickstarter au départ. Ils ont réussi à se rendre et maintenant, ils vendent ça pour seulement 30$ sur leur site qui est sideclickremote.com, sur Amazon et chez Best Buy aux États-Unis. Je sais pas pour le Canada. Peut-être que ça va arriver un jour. Là, mais probablement. C'est juste une si bonne idée que tu peux pas vraiment t'empêcher d'espérer. Il y en a une version qui s'en vient pour la quatrième génération de l'Apple TV. Pour l'instant, ça n'existe pas encore. Mais je trouve que c'est majestueux et je suis ce mot-là beaucoup trop souvent. Majestueux. Et en plus, ça fit avec la couleur de votre manette. C'est vraiment beau. Ah, c'est mignon. Bref. Maintenant, complètement différent comme sujet, des fois, les enfants vont dessiner un petit peu partout dans la maison. Sur les murs. Sur les murs. Sur les tapis. Tapis. Sur le plancher de bois franc. Les draps. Les draps. Peut-être. Justement, j'ai déjà fait ça. Oui. Ben, je peux seulement t'aider pour ce cas-là, par contre. C'est une couverture, un duvet ou une douillette sur laquelle les enfants peuvent dessiner. Ah, OK. Question de les encourager quand vous allez chez les voisins ou les... Oui, c'est ça. Continue à le faire chez grand-maman et grand-papa. Bref, pour les artistes futurs, voilà, potentiel. C'est une grande couverture sur laquelle on peut dessiner et facilement l'effacer. C'est lavable à la machine et c'est à double côté, donc deux fois plus d'espace de dessin pour 60$. C'est bien. Pour une douillette, c'est pas trop cher. J'aime bien l'idée. Oui, moi aussi. Moi, je la prendrais juste pour en camping, mettons. Ah, ben oui, bonne idée. Tu sais, pour montrer à ton enfant qu'en camping, t'as le droit, mais ailleurs, non. Et pour leur montrer aussi que peut-être qu'en camping, pas d'iPad, pas d'iPhone. Dessine sur tes draps. Dessine sur tes draps. Ensuite, tiens, pour ceux qui sont amateurs de Donald Trump, tu sais, Donald Trump est un grand fan de Vladimir Putin, ou en français Poutine, je sais pas pourquoi. Poutine. Bref. Il aime beaucoup son odeur, je crois, Donald Trump. Donc, vous pouvez maintenant acheter une chandelle à odeur senteur de Vladimir Putin pour 10,50$. C'est dégueulasse. Absolument, c'est dans un contenant de métal décoré avec l'image du grand Vladimir Poutine avec l'odeur masculine, un petit peu de pain, de terre et de fumée. J'aime beaucoup ce que ça dit sur le dos de l'étiquette. Ouais. Tu sais, ça dit que ça allait faire comme si Vladimir Poutine, le président de la Russie, était exactement à côté de vous, dans la même chambre que vous. Et sur le devant, ça dit « Écraser les odeurs rebelles avec l'odeur de Vladimir Putin ». Puis là, ça dit « Peut-être qu'il l'est vraiment dans la même chambre que vous. Peut-être. Avez-vous regardé en dessous du lit ?» J'avoue qu'il est assez creepy pour peut-être le faire. Hein? Quand même. On sait pas, là. C'est un questionnement à se poser. Il faudra se renseigner... Puis la compagnie qui fabrique cette chandelle que vous pouvez... J'aime beaucoup la photo aussi sur le top. Tu sais, c'est comme Vladimir Poutine en chess, comme si c'était un gars de l'armée. Oh, le gars est tout le temps en chess en plus. Hein. Il fait du cheval en chess, puis c'est vraiment... Il aime son corps. Voilà. Il y en a comme ça. Ben oui, mais tu sais, hein, il peut bien s'entendre avec Donald Trump. Hein? Et voilà. Ensuite, tiens, on a parlé souvent dans cette chronique-ci de jouer de la batterie dans un appartement. Ça peut être un manque de respect des fois. Soit étant dit, pour ceux qui suivent mes aventures, mon voisin joue beaucoup moins de batterie. Sûrement qu'il était en vacances pendant qu'il en jouait. Ah, peut-être. Il en joue quasiment plus. Hein. Bref, c'est une batterie en carton. OK. Hein, donc, votre Cardboard Drum Kit, vous allez être capable de faire une session de jam spontanée presque n'importe où. C'est léger, facile à transporter. Ça s'installe en quelques minutes pour accommoder les drummers gauchers et droitiers. Ça s'appelle le Hobby Lab. Ça coûte 130$ américains environ. Super simple à monter et quand même assez joli. Mm-hmm. Je sais pas si ça fait du beau bruit. Puis sûrement qu'il faut que tu fournisses tes propres bâtons. Mais bon, on voit que ça se défait et ça se met en genre de... Presque une... Ben, en fait, presque une boîte. Ça se fait en forme de boîte et tu peux mettre comme un sac à dos aussi. Donc, aller en vélo à quelque part et faire un petit jam. Au petit pétac, genre. Les designers viennent de créer des robes d'hôpital à la mode pour les enfants malades. Ah ouais? Je pense que Céline Dion très bien là-dessus, un peu comme son chandail avec un... T'as pas vu la photo avec son chandail super trendy? Non. Une chance, ça fait. Donc bref, pour les gens qui sont à l'hôpital, vont pouvoir faire la même chose, imiter leur vedette préférée. Donc une organisation OSBL qui s'appelle Starlight Children's Foundation Canada. Oui. A joué avec les designers de mode canadiens pour créer une ligne de robes d'hôpital pour les enfants malades et les adolescents malades. Ils appellent ça Ward Robes. Ward comme dans un hôpital, Ward c'est comme la place. Comment tu peux appeler ça, Ward? C'est comme l'aile, une aile, genre. Oui, genre, voilà. Et comme l'aile psychiatrique, ce serait Psychiatric Ward. Ouais. On se comprend. Un bref. Quartier. Un pâté de maison. Un pavillon, exactement. Tous ces mots-là ne sont pas nécessairement les bons mots, mais bon. Donc, le but. Mais oui, un pavillon d'hôpital. Peut-être. C'est le pavillon de la psychologie. Oui, psychiatrie. Ou... Bref, le but étant de faire que les patients se sentent un petit peu plus comme chez eux pendant le traitement, les rendre un petit peu plus individuels. C'est basé sur, des comptes rendus du Children's Hospital dans l'est de l'Ontario. La réaction est très positive, les gens aiment beaucoup leur robe. Maintenant, on planifie donc d'envoyer ça dans d'autres hôpitaux à travers le pays. Si on les décrit un petit peu, là, ça ressemble à des vêtements normaux, sauf que c'est plus long. Donc, des chandails avec vraiment des designs dessus ésotériques un petit peu, peut-être, genre astrologiques, des loups qui hurlent à la lune, des trucs comme ça. Donc, ça ressemble à un chandail, sauf que les manches sont plus amples et la robe va plus loin. Et probablement aussi que ça s'attache dans le dos comme genre, une jaquette d'hôpital normale. C'est exactement ça. Bien évidemment, parce qu'on rentre dans les soins des hôpitaux avec ça. Hein? Et il faut que les infirmières puissent s'occuper de vous, pareil comme avec une vraie robe de... Et voilà. Mais je trouve ça vraiment cool comme idée, par exemple. Très, très fort. Ça va coûter beaucoup plus cher que des robes pareilles pour tout le monde. Oui, mais c'est sûr que j'imagine que c'est chaque patient qui se l'approprie. Ça ne doit pas être nécessairement l'hôpital direct qui en achète. C'est ça, et tu la ramènes chez vous après, j'imagine. Aussi. C'est ça. Je sais pas, on sait pas, on ne peut que supposer. Un nouveau sport vient de naître. Ouh! C'est le foot dart. C'est cool! C'est un match-up entre le soccer et les darts. Hein? J'aime ça. Oui, donc c'est pas aussi dangereux que les darts de jardin comme dans le temps. C'est ce qui a été banni parce que c'est comme des clous dans le gazon, bref. Ce qu'on fait, dans le fond, c'est que c'est un ballon de soccer couvert de velcro et on a un grand tableau de dards gonflable et le but est de shooter avec ton pied le ballon de soccer ou de football, le vrai football, sur le milieu de la cible. C'est vraiment cool. J'aime vraiment ça. Super. Puis c'est même bon pour ceux qui jouent au soccer pour voir exactement où tu lances la balle, mettons. Te pratiquer. Oh, le gars, il l'a eu direct dans le milieu dans le vidéo. Oui, ben c'est pas comme s'il a fait 300 prises puis qu'il avait pris juste celle où il était en plein milieu. Hein. Probablement, mais c'est vraiment cool. Naïve un peu, là. Ouais, je sais. Ensuite, tiens, ceux-là, vous avez sûrement vu passer ça aussi, mais je pouvais pas passer à côté parce que c'est trop drôle. Le poop launcher, pour ceux qui sont fanatiques de l'émoji caca sur peu importe, votre téléphone cellulaire, ordinateur, peu importe. C'est donc un débouche-toilette en forme de cet émoji-là. Ça coûte seulement 15$. Je vous ai mis le lien, c'est sur Kickstarter. Donc, si ça vous intéresse. En fait, sur Kickstarter, c'est 15$. Après ça, ça va coûter 25$. Donc, dépêchez-vous. C'est vraiment cool. Émoji plunger. Ensuite, des sacs de voyage. En fait, et là, encore une fois, je parle pas des sacs de voyage sur lesquels on peut se transporter, comme vous avez vu sur Facebook. Non, en fait, je parle de sacs de voyage qui sont fabriqués à partir de sièges d'avion recyclés. Ah, c'est donc bien cool. Très fort, hein, donc pour pour recycler des sièges d'avion quand on change le modèle, c'est un peu... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On cherche quoi faire avec ça, exactement. Donc, c'est un atelier de design britannique Fallen Furniture qui a pensé à ça. Ils sont connus pour leurs meubles recyclés. meubles faits à partir de parties d'avions, donc l'exhaust d'un avion, des trucs comme ça, des portes d'urgence d'avions, même des moteurs de jet 737 de Boeing. Donc Gizmodo nous dit que ce studio de recyclage, ce qu'on appelle en anglais du upcycling, donc recycler pour faire quelque chose de mieux, mm-hmm. avec, j'imagine que c'est la définition, je me demande si c'est vraiment ça la définition de upcycling. Je pense que c'est de faire quelque chose de différent. Je sais pas. Bref, donc ça s'appelle Plane. Et donc on crée des sacs de voyage faits à partir de vieux sièges d'avion. Ça a été lancé sur Kickstarter pour ramasser de l'argent à partir du 12 juillet dernier. Ils avaient déjà ramassé plus du... non, c'était avant ça, mais en date du 12 juillet, ils avaient dépassé leur but de presque la moitié. C'est ça? Non, ils avaient ramassé plus. Attends, je vais aller ouvrir l'article à le Kickstarter à la place pour vous dire les informations. Mais ils sont vraiment beaux. En plus, ça peut être utilisé par des femmes comme par des hommes aussi. Oui, c'est un peu un genre de mauve avec des lignes de différentes couleurs. C'est vraiment beau. 25 000 livres sur 20 000, donc ils ont dépassé de 5 000 livres. Voilà. Il y a entre autres un duffel bag, un genre de sac de sport. Il y a une valise, un sac messager, un sac à dos, des manchons pour les téléphones cellulaires et tablettes. Tout ça est disponible en précommande pour des prix qui commencent à 38 $ américains. Chacun a une estampe pour dire combien de miles, de milles de distance leurs matériaux ont fait dans les airs. C'est cool. Et quel pays ils ont passé aussi. Ah ouais. Vraiment très cool. En regardant les avions, ils sont allés où à travers leur historique. Vraiment intéressant. Donc, c'est sur Kickstarter. Ça s'appelle Fallen Furniture. Ensuite, une nouvelle compagnie veut s'assurer que vous ne perdiez plus jamais de bas. OK. Tu sais, on perd toujours les bas. Oui, au moins, une fois par mois, je pense que je perds un bas. Puis là, à un moment donné, c'est pas par semaine. Si c'est pas par semaine. Et là, t'achètes de nouveaux bas, puis là, tu rematches, puis bon. Personne n'achète les mêmes bas chaque fois, je pense pas. Non, je pense pas. Bref, peu importe, il y a un sondage au Royaume-Uni qui nous dit qu'en moyenne, les gens perdent 1,3 bas par mois. C'est quoi un tiers de bas? Ben, en moyenne, c'est une moyenne. OK. Ouais. 15 bas par année. C'est beaucoup? Oui. Donc, bon, plusieurs vont juste passer à autre chose, aller se chercher d'autres bas. Mais pour d'autres, ça veut dire qu'ils vont peut-être devoir porter des bas qui vont pas ensemble. Oui. Donc, la compagnie Flight Socks essaie de vous libérer de ce stress parce que chaque paire de bas vient en fait en trio de bas. Quelle bonne idée! Mais en basé à Toronto qui fait des bas, en fait des bas qu'on appelle dress socks, donc des bas bien habillés si on veut, en fibre de bambou unisex. En fait, j'ai jamais compris pourquoi les bas étaient pas unisex dans la vie. C'est des bas. C'est des bas. Les bas, c'est des bas. En tant que tel, t'as pas besoin d'avoir un sexe de bas. C'est vrai. Puis un gars peut porter des bas mauvais. Mais bien souvent, c'est simplement à cause de la forme du pied. La forme du pied? Vous, les hommes, vous avez des pieds plus larges automatiquement comparé aux femmes. Mais en même temps, ça change quelque chose dans le confort du bas? Ben, c'est... En tout cas, moi, personnellement, un bas lousse dans un soulier, ça va me faire des ampoules. Ah! Eh ben! Bon, ben, il y avait une raison, finalement. Voilà. Bref, ce sont des bas... Je ne sais pas si c'est ça de façon générale, mais... Bonne question. Donc, ça vient dans des patterns, des couleurs très, très... comment dire? Lumineuses, bonne humeur, si on veut, des couleurs éclatantes. Oui, voilà. Même, je trouve ça cool, il y a des bas avec des genres de cubes 3D. Oui. C'est une illusion d'optique que ça a l'air d'être des cubes 3D, mais c'est plat. Évidemment, c'est des bas. Bref, ça vient en trio. Et comme ça, vous allez toujours en avoir un de plus. Et quand vous allez vous en recommander d'autres, ça va vous faire des paires de plus. Puis en accumulant c'est ça. C'est bien pensé. C'est vraiment fort. Vraiment fort. Un trio de bas flight. Donc, ça veut dire une paire, entre guillemets. Ouais. 16 $ US. Ouais, mais les bas pour hommes qui sont comme fancy là, ces temps-ci, là, qui ont comme des beaux designs dessus, puis tout ça, là, ça se vend quand même assez cher. Hein? Mais moi, ce que je comprends pas d'acheter des bas avec des designs, c'est que je vois pas quand est-ce qu'on voit mes bas tant que ça dans la vie. Ben, quand tu t'assois. Si t'es quelqu'un qui porte des pantalons propres au travail, mettons, ou que t'as un habit, ben, quand que tu vas lever ta jambe, tu vas avoir un ourlet où on va voir ton bas. De genre un demi-centimètre? Ben non, bien souvent, ça va être comme un pouce, deux pouces, trois pouces, même. Puis si tu t'assieds avec la jambe à côté sur ton genou, là, on voit ton bas. Si tu portes des shorts, si tu joues au golf, il y a plein d'autres affaires. Oh, le sexe aussi, des fois, t'enlèves des bas à la fin. Ça serait fun de les enlever avant, s'il vous plaît. Il y a une chanson de Flight of the Conchords qui parle de bas, même. Moi, j'ai ça, en tout cas. 16 $ US sur Kickstarter pour la paire, le trio. Ensuite, on va... Colin, le temps passe donc bien vite. Tiens, c'est un wiper pour votre casque de moto, le prochain. Ça s'appelle c'est si intelligent. Le Rain Pal. Là, pour ceux qui font de la moto, quand tu peux, ça peut être plate un petit peu. Des fois, les gouttelettes vont tomber dans ton champ de vision. Ça peut être difficile de voir correctement. Donc, ça s'appelle Rain Pal. Détail, qu'est-ce que ça dit ici? Attachez votre devanture de casque avec des suctions. OK. Simple. Donc, tu l'actives par un bouton qui est sur les... Voyons. Colin. Tu vas l'avoir, sur les wipers eux-mêmes, là. OK. En tout cas, ou via un kit sans fil qui peut être monté sur les poignées de ta moto. Quand tu actives ça, le wiper va faire un avant-arrière va-et-vient pendant 90 minutes max, ou deux fois si tu donnes un délai de 2 secondes. Avant de devoir charger la batterie, le design dit que ça va fonctionner jusqu'à des vitesses allant jusqu'à 160 km/h, 100 000 à l'heure. C'est sur une plateforme de socio-financement un petit peu moins populaire que les autres, c'est Fundraiser. Donc j'imagine qu'ils vont ramasser de l'argent un petit peu moins vite. On va aller voir où ils sont rendus, tiens. Sur Fundraiser, c'est la première fois que j'entends ça. Ils sont rendus à 16% de leur but. C'est pas bien, il reste 186 jours, ok, c'est ça. Peut-être que leur délai est plus long sur Fundraiser. Mm-hmm. On leur souhaite bonne chance quand même. Ça s'appelle donc le Rain Pal. Et pour terminer, tiens, on aime tous les deux le café. Les, qu'on avait ça, les, quand tu mets ton café sur une table ou sur du papier, ça va faire un anneau de. Oui, un cercle de café. Tout à fait. C'est beau, on aime ça. Ça dépend quand. Ouais, ça dépend sur quoi? Sur un ça dépend sur important. Quoi, oui, exactement. Sur des contrats, c'est moins de donc, ton anneau de café va devenir de l'art avec des cartes postales qui s'appellent Post Cup. Donc, c'est les designers Ink Julep et Jen Pung qui ont fait une série de cartes postales Post Cups qui ne peuvent être complétées que par votre propre tasse de café. Donc, t'achètes la tasse avec le dessin d'un panda, des trucs comme ça. Donc, dessiné à l'encre, on voit juste, mettons, le cou, okay, les oui. yeux, le nez et les oreilles du panda. Donc, on sait pas nécessairement que c'est un panda, quoique c'est assez évident. C'est assez évident, oui. Et là, on vient prendre son café et on vient estampiller avec du vrai café. Comme ça, t'as l'odeur du café. C'est cool. C'est mignon. C'est disponible à... Vas-y. C'est vraiment cool. Ouais. Bicycle, garçon, ballon, chat, manège en grande roue, panda, planète et bonhomme de neige. Ça y est, en paquet 7. Vous pouvez aller voir ça sur assemblagerequis.com. C'est une boutique Etsy qui est en lien sur le site. Voilà, 17$ pour l'ensemble de cette. Pas pire, ça? C'est bien, c'est bien. Ouais, on arrête là-dessus. Les liens, encore une fois, sont sur assemblagerequis.com. Au retour de la pause, ça va être Tania qui va prendre le relais pour la prochaine demi-heure. T'es-tu sérieux? Ah oui, avec Tania et Scott Hilsutinier. Restez là. Pour la semaine du 25 juillet 2016. Il est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Mm-hmm. Justement, Mathieu Plante, parlons-en. Vas-tu la fermer un jour? Pourquoi? Comment ça? Ben parce qu'il faut qu'il laisse de la place un peu aux autres des fois. Ah! Il invite jamais personne, il n'y a plus de chroniqueur, il s'est mis tout le monde à dos. Pas vrai? Il parle trop souvent, trop vite. Quelle tristesse. Ouais, j'invente des histoires, c'est pas grave. Je pense que t'es pas là pour me remonter le moral en disant « Mais non, c'est pas vrai! Hein? » Mais non, c'est pas vrai, Mathieu. Ah, merci, Tania Baudin. Ça fait plaisir. Voici Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do the... C'est quoi ces mouvements de bras là? Je sais pas, je dansais. Ah ok, danse des bras. Ouais, c'est ça, exact. Danse avec les bras. C'est parce que caméra 3 elle pogne juste les bras. C'est de la censure. Et voilà. C'est parce que la seule place où on l'a diffusé à la TV, c'est en Chine. C'est ça. C'est rempli de censure, ça peut. Donc, Tania Baudin, Tania is gonna entertain you. De quoi tu lui parles cette semaine? Je vous parle de séries télévisées, d'émissions de télé. Du nouveau. Deux séries télévisées que j'ai commencé à écouter récemment. Ça fait longtemps que t'écoutes plus de TV parce que tu nous parles rarement de TV. Avant, c'est tu en parlais fréquemment. Je dois dire qu'il y a beaucoup moins de temps dans mon horaire qui est consacré à écouter des émissions. À regarder des courses de chars, ça. C'est ça, exactement. Travail. Fait que ça donne un petit peu moins de temps pour écouter ou faire la découverte, oui, de nouvelles séries télévisées. La découverte de nouvelles séries télévisées. Par contre, lorsque j'ai le temps de le faire, faire, eh bien, j'aime bien regarder ce qu'il y a de nouveau. Puis, tu le sais, toi, personnellement, et certains auditeurs le savent aussi, je suis le style de fille qui regarde quand même assez n'importe quoi, que ce soit du policier, que ce soit du télé-réalité ou que ce soit du comédie. Ouais. J'aime bien la diversité. J'aime le fait que tu dises n'importe quoi. Moi aussi. La diversité de plusieurs types de séries télévisées. Alors, de ce côté-là, j'ai pour vous deux nouvelles séries qui sont quand même dans le style, je veux pas dire drame, malgré le fait que les deux séries ont été catégorisées comme étant dramatiques. Mettons que c'est pas des sitcoms, tu sais. Non, c'est pas des sitcoms. Il y en a une qui est beaucoup plus comédie que l'autre, et je vais tout simplement vous en parler dès ce moment-là. On va pas tourner autour du pont pendant Arrête de nous faire attendre. Et voilà. La première série télévisée dont je vais vous parler, elle est vraiment toute nouvelle. Elle est sortie le 26 juin 2016. Donc, elle est simplement en anglais pour ceux que ça intéresse pour le moment. Mais je suis persuadée qu'on va la retrouver en français dans quelques temps, parce que de toute façon, l'autre série dont je vais vous parler tout à l'heure, je croyais pas qu'elle allait être traduite en français, et elle l'a été. Sur un grand réseau. Donc, de ce côté-là, je suis persuadée que cette nouvelle série télévisée qui vient d'arriver dans le mois de juin va être traduite aussi en français, c'est sûr et certain. Et elle porte le nom de Roadies. Roadies. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'un roadie? Ça, c'est ceux qui suivent les musiciens pour transporter leurs trucs, c'est ça? Hey, t'es bon! Merci. Exactement. Et c'est... Connaissant en général inutile, Mathieu Plante. Non, mais ça décrit un petit peu qu'est-ce que c'est. Ouais. Mais c'est vraiment très intéressant de voir ça, parce que déjà en partant, l'émission va suivre une équipe. On appelle ça la famille, qui englobe vraiment les bands qui font des tournées. Et c'est un petit peu le style de la série télévisée. On prend vraiment part à tous les gens, tous les personnages qui sont dans cette émission-là. Et c'est très, très rare qu'on va voir le band qui est en spectacle, ou encore le show en entier. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe lorsque les gens, les roadies, vont arriver à un endroit où il y a un spectacle. Donc, pour vous mettre un petit peu en situation, dès la première saison, on est en tournée et ça suit vraiment les gens, que ce soit les gestionnaires de tournée, que ce soit les managers du groupe, que ce soit jusqu'à ceux qui font tout simplement monter les éclairages dans les airs pour le spectacle un petit peu plus tard, que ce soit comment administrer tout ce qui est étiquette, puis tout ça, tout ce qui est vente de vêtements, tout ce qui est groupie aussi. Oui. Alors, c'est vraiment très, très intéressant. Ça a l'air plate de même, mais c'est sûrement bon. Hein? Mais la série télévisée, comme je le disais, il catégorise ça comme étant un genre drame. Par contre, c'est très, très drôle. Il y a plusieurs artistes, acteurs, en fait, qui jouent dans l'émission, qui sont quand même assez connus. Luke Wilson, qui a joué dans X-Files, que l'on retrouve comme un des très bons personnages, qui se retrouve à être le manager de tournée du band principal. Quelques problèmes ici et là, personnels. Sinon, ce serait une série plate. Hein? Ben, c'est ça. Puis c'est ce qui est quand même très plaisant à voir, parce qu'on retrouve cette fameuse vie-là de chaque personne individuelle, mais qui doivent tous être gérés un avec l'autre. Mmh. Donc, lorsqu'on dit la grosse famille des Roadies, c'est vrai, mais ils ont quand même tous leurs problèmes individuels qui fait en sorte qu'on s'attache au personnage, bien évidemment. Il y a aussi Carla Gugino. Je ne sais pas si tu connais Carla Gugino. Oui. Elle avait joué la mère dans Espion en herbe. C'est vrai? C'est la référence. Hein? C'est son rôle le plus important. Non, elle en a eu d'autres, mais pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins ça. C'est le genre de fille, c'est le genre d'actrice qui joue dans plusieurs émissions qui sont retirées après 2-3 épisodes. Et là, peut-être que finalement, elle va être dans une série qui a plus de succès. C'est vrai. J'espère du moins que ça va continuer quand même pendant un bon moment. C'est diffusé présentement sur Showtime, qui est américain, mais si vous l'écoutez ici au Canada, ça va être diffusé sur The Movie Network. Donc, c'est pas vraiment... C'est un super écran. C'est ça, exactement. C'est payant. C'est des chaînes qui sont payantes, bien évidemment, mais ça donne la possibilité d'avoir des émissions qui durent 58 minutes sans pause publicitaire. Absolument. Ça, c'est fort. C'est tout le temps plus long que les classiques. C'est vraiment le fun. Ouais. Donc, de ce côté-là, on a aussi une autre actrice qui commence dans les débuts, qui commence à être très connue, qui est Imogen Poots. Je sais pas si toi, tu connais. Oui, un peu. Qui est une actrice britannique. On la retrouve là. Son nom fait tellement rire. Oui, ouais, c'est vrai, hein? Ça ressemble quasiment à... Non. Oups, mais non. OK. Non. Mais tout ça pour dire que on s'attache très rapidement à ces fameux personnages-là, et ce qui est très, très plaisant aussi, c'est de voir comment est-ce que ça fonctionne. Le fameux behind the scenes de ces grosses tournées-là, c'est vraiment l'impression qu'on veut donner avec l'émission, et c'est ça qui est intéressant, parce que comme je vous le disais, dans l'émission, on verra pas nécessairement le gros show à la fin, on suivra pas le band en tant que tel, on suit vraiment les shows, les personnes qui créent ces fameux gros spectacles-là. Et bien souvent, les gens portent pas nécessairement attention à toute l'équipe qui est autour des gros bands ou des grosses tournées. Et c'est souvent grâce à eux qu'on peut arriver à de si gros spectacles en si peu de temps. Alors, c'est vraiment très intéressant si jamais ça vous intéresse. Et je tiens à vous répéter que c'est simplement en anglais pour oui. le moment. Est-ce que tu savais que c'était réalisé par Cameron Crowe? Oui, c'est ça, je voulais en parler d'ailleurs. C'est le réalisateur qui a fait Jerry Maguire. Il en a fait d'autres aussi. Mais c'est un très, très bon producteur et ça a été créé par lui. Alors, tu sais, comme je l'ai dit, c'est comédie, c'est drame aussi, parce qu'à certains moments, c'est pas toujours Jojo, mais c'est vraiment une très bonne série et j'ai hâte de voir jusqu'où on va pouvoir pousser cette fameuse limite-là du « OK, c'est beau, on l'a déjà vu dans le troisième épisode », parce que veux pas une tournée à un certain moment, c'est tout le temps le même beat mm-hmm. qui revient. Alors, pour la première saison, c'est simplement 10 épisodes, mais 10 épisodes de 58 minutes, c'est J'aime c'est mieux bon. 10 épisodes qui ont été faits avec soin que les séries américaines de grands réseaux à 26 épisodes, mais que c'est dilué. Oui, puis c'est vrai. Il y a plein de moments pas importants. As-tu vu que c'est réalisé par la compagnie de distribution de Buffy contre les vampires? Oui. C'est le fun, hein? Je vous le dis, c'est ça, c'est vraiment une émission qui est bonne à écouter. C'est léger, là. Je ne sais pas à vous dire que c'est l'émission la plus intelligente au monde. Si vous ouais. voulez avoir des connaissances générales sur quelque chose, c'est peut-être pas ça. Ah. Allez écouter Découverte. C'est pas mais, un fait, ouais. C'est pas ça. C'est un fait ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment très, très, très intéressant. Si vous voulez écouter quelque chose de léger et que vous aimez les fameux classiques de rock, ouais. ça revient beaucoup durant les émissions. À chaque émission, il y a ce qu'on appelle « Song of the Day ouais. », qui est une chanson qui va jouer toute la journée pendant que les Rudies, justement, vont monter le stage puis tout ça. Et bien souvent, ça va être des bons classiques de rock. Ça me rappelle un peu, on dirait qu'il y a comme une renaissance des séries musicales. Il y avait Vinyl de... C'était qui? C'était-tu Martin Scorsese? Je pense que oui. Un gros producteur. Ça a duré juste une saison, mais en ce moment, qui est de retour pour une deuxième saison, c'est Sex and Drugs and Rock'n'Roll mm-hmm. avec Dennis Leary sur FX en ce moment, qui est un peu dans le même genre, mais eux, il y a plus de performances musicales dans l'émission. Donc, ça m'intéresse de voir ça. Il y a quelques performances musicales. Je peux pas, tu sais, je veux pas vous dire qu'il y en a pas, qu'on voit pas les gens du band principal, mais c'est pas centré sur eux. C'est vraiment ouais. pas centré sur pas la tournée des bands. C'est centré vraiment sur ceux qui créent le gros spectacle pour vous à la fin. Roadies! Roadies! Ça me rappelle la crème glacée Rocky Road avec de la guimauve. Pis les... ah oui! Ah, voilà. Ouais. La deuxième série dont je veux vous parler, c'est une série qui est déjà en onde depuis quelques temps. Ça a été mis en onde en juin 2015. On est rendu à la deuxième saison, mais je pense que j'en ai pas encore parlé ici à l'émission. Et c'est la fameuse émission Unreal. C'est quoi, tantôt, quand t'as parlé de « Ah, ça joue à Radio-Canada », je me suis dit « Peut-être que c'est ça, mais en même temps, ça joue à Radio-Canada en théorie. » Et voilà. Parce que c'est genre à minuit que ça joue. Il y a personne c'est sûr, ça, parce que automatiquement, si ça passe à 5 heures le soir, je vois pas comment on a accepté ça. Mais bon, ouais. Qu'est-ce que c'est Unreal? Pour certains, pour ceux qui aiment les téléséries, les téléréalités, comme exemple de Bachelor, de Bachelorette, c'est basé sur le même style d'émission. Qu'est-ce que c'est exactement? Encore une fois, on rentre dans le behind the scenes, derrière la scène. Qu'est-ce qui se passe derrière les caméras? C'est vraiment l'espèce de manipulation qu'on vous voit pas nécessairement dans ces fameux dans ces fameuses téléréalités-là. Et c'est vraiment ça qui devient intéressant parce que ça crée un show assez dramatique, assez satirique et là, faut manipulateur. Il faut dire que c'est une fiction, donc c'est un faux behind the scenes. C'est ça, exactement. C'est une fiction, c'est une série télévisée créée de A à Z. Il n'y a rien de vrai là-dedans, là, ne vous inquiétez pas. Par contre, en français, pour ceux qui l'écoutent réellement. Peut-être, c'est ça, ça s'appelle réellement. Il faut le dire, ce jeu de mots-là est écœurant. C'est vrai, hein? En français, c'est rare que je dis qu'un titre est meilleur en français qu'en anglais, mais Unreal, c'est plate, réellement, c'est un bon c'est jeu. C'est très, très bon, en effet. Donc, ça joue sur Lifetime Canada, ici, en anglais. Sinon, ça joue sur Radio-Canada ou ici, RTV. Tu vois, les deux chaînes de télévision québécoises qui diffusent ça, je pensais pas que non, ça allait diffuser mais ça. Mais ça coûte bien moins cher de diffuser tes séries à deux postes. Mais j'aurais... Tu sais, je me disais, ah, oh, ça va jouer à Série Plus mm-hmm. ou ah, oh, ça va jouer à Canal Vie, mettons. Mais non, aucunement. Radio-Canada et ici, RTV. Ouais. Spécial. Mais bon. Et on est une des seules places présentement où il y a la diffusion francophone. Ah, est-ce que c'est doublé au Québec? Je crois que c'est doublé au Québec. Je veux pas m'avancer sur quoi que ce soit, mais je suis persuadée que pas oui. Mal, ouais. On retrouve Sherry Appleby dedans. Je Roswell. Sais pas si... Roswell. J'adore. Et si vous allez voir la page Wikipédia, mettons, de Sherry Appleby, où vous allez voir certaines... filmographie ou quoi que ce soit, vous allez voir sa biographie. Roswell est une des seules téléséries pour laquelle elle a été connue. Ouais, c'est ça. Son autre série a joué pendant quelques mois à peine. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais je suis vraiment très contente de la revoir dans cette émission-là. Et je dois dire que son jeu d'actrice est assez très bon. Assez très bon. Ça, là, c'est un gage de qualité. Assez remarquable, en fait. C'est vraiment... je vais tout simplement le dire. Sherry Appleby, elle joue une des productrices de l'émission qui est peut-être un petit peu moins stable mentalement tout au long de l'émission et tout au long des séries. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment très, très le fun de voir le jeu d'acteur lorsqu'elle manipule quelqu'un. Parce que je tiens à le dire, là, c'est une émission où il y a beaucoup, beaucoup de manipulation. C'est le fun de voir à quel point elle va pouvoir jouer la personne qui peut être très, très, très, très, très sensible et la personne qui peut vouloir arriver à ses propres fins lorsqu'elle désire quelque chose. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment très le fun de revoir Sherry Appleby dans une émission. Et il y a aussi Constance Zimmer qu'on a vu dans Boston Justice, Entourage, House of Cards et que là, on retrouve dans Unreal. Elle aussi, A1 comme jeu d'actrice, c'est une méchante hors pair. Ben, c'est ça que j'allais dire. Je l'ai vu dans Good Morning Miami, dans le test, c'est comme en deux saisons. Et puis, elle joue tout le temps l'air bête parfait. C'était comme la jeune air bête qui fait chier tout le monde. Ça n'a pas changé. C'est ça son rôle. Elle est typecastée dans ça, c'est ce qu'elle joue. C'est la productrice principale de l'émission dans cette fameuse série-là. Parce que, comme je vous le dis, c'est derrière les caméras. Donc, automatiquement, on retrouve des producteurs, on retrouve des gens qui vont aller chercher le café. On retrouve... Les assistants personnels. C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment très le fun de voir ça. Et on se pose vraiment les questions. Est-ce que ça se passe tout de même? Probablement. Tu sais, honnêtement, là, on se le dit-tu? Probablement que oui. C'est sûrement parce amplifié, que... mais à la base, c'est basé sur une réalité quelconque. Écoute le premier épisode de la saison 1, puis après ça, va écouter un épisode, mettons, de The Bachelor ou The Bachelorette. T'es sûr, t'es persuadé que c'est exactement le même facing qu'ils prennent. Ouais. Ils doivent prendre les mêmes sortes de cuts pour arriver à leur fin, eux aussi. Et c'est ça qui est drôle, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont écouter des téléréalités ou quoi que ce soit, et qui vont dire « Oh mon Dieu, c'est tellement beau! » « Oh mon Dieu, ils ont finalement trouvé l'amour! » Ils ont une belle voix, ces gens-là. Oui, hein, vraiment. Puis, à la fin, ce que tu te rends compte, c'est que ça a été de la manipulation A à Z par la production, mais que ça a donné un show de télé assez remarquable. C'est ce qu'on veut en même temps. Notre auditrice fidèle, Catherine, qui me mentionne que c'est une série assez, comment dire, pas pour public féminin, mais est-ce que ça m'intéresserait, ce genre de série-là? Ça a l'air un peu comme féminin. Oui, ça a l'air féminin. Je peux pas dire que c'est entièrement masculin. Par contre, probablement que tu aimerais le jeu de manipulation. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'aimerais, c'est ça, la manipulation. C'est ça, exactement. Je sais quel type d'émission t'écoutes aussi. Probablement que t'aimerais beaucoup le jeu d'acteur. Ouais. T'aimes les sitcoms aussi. Il y a des jokes qui se font, tu sais. Cool. Puis oui, il y a des scènes assez... sexy? Oui, okay. Exactement. Quand t'es gêné de le dire, j'imagine que c'est ça. Oui, hein? Oui, ouais, tout à fait. Mais c'est vraiment ce côté manipulation-là qui fait en sorte que ça rejoint un plus grand public. C'est sûr que si on y va du côté velours et tout ça, là, ça va rejoindre plus les femmes que les hommes. Ça a l'air d'un petit plaisir coupable quand même. Mais je te dirais que probablement tu aimerais mieux Rudy's que Unreal. Ah, voilà. Mais te connaissant, toi qui aimes bien les petites rumeurs, le patinage et tout ça, t'aimerais probablement Unreal. OK. Bon, ben Colin, ça me fait deux séries de plus. Hein? Ben oui, tout à fait. Puis, c'est comme je le disais, c'est vraiment fun de voir la différence entre les deux émissions parce que c'est ce que je voulais mettre de l'avant avec ces deux séries-là. Spécifiquement, c'est tout ce qui se passe derrière. Donc, comme je le disais, Roadies, c'est pas le band qu'on va voir en premier, c'est vraiment les gens qui vont monter tout ce qui va se passer durant la soirée. Même chose pour Unreal, c'est pas nécessairement les gens qui vont participer à la télésérie qu'on va voir. Bien évidemment, on va les voir parce que c'est eux qui se font manipuler tout au long de l'émission, mais c'est vraiment les gens derrière qui, eux, vont faire la manipulation puis qui, eux, vont créer le show. Jusqu'où est-ce qu'on est capable de pousser certaines limites qu'on voudrait garder pour avoir un bon show de télé, pour qu'on ait de bonnes cotes d'écoute. C'est là qui est très, très intéressant de voir les deux séries. Ça m'intrigue pas mal, ça. Mais la première série est sortie en français, si jamais ça t'intéresse. La première saison sortie en français. En français. Sinon, on est rendu... on est rendu à la deuxième saison de Unreal. On parle de 16 épisodes de 42 minutes. Mais la saison 2 est encore plus croustillante que la saison 1. Crunchy! Oui, c'est très, très, très crunchy. Et c'est très, très, très... tu sais, je veux pas dire satirique, mais comédie noire, là, un petit peu, là, cette fameuse... on retrouve ça dans Unreal assez facilement, merci. Génial. Unreal voilà. Et Roadies. Oui. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Yay. Hey, bonne chronique. On est en la pause. Il va nous rester une dernière heure de l'émission. C'est le moment de faire une grosse pointe tendresse dans quelques instants. Oui. Justement, on mangera pas nécessairement ce qu'on va entendre dans la chanson, par contre. OK, j'aurais aimé correct. Ça choisir une chanson qui a, tu sais, qui a rapport, parce qu'elle s'appelle Candy. Oh. Mais ce sera pas des bonbons. Mais non, pas de bonbons cette semaine. Oui. Assemblage requis. Sur les ondes de Cibou 89 FM. Je me demande, je suis sûr que c'est vraiment calculé et que c'est vraiment sans note, là, mais on dirait que la personne qui jouait les instruments derrière jouait n'importe quoi. Là. C'est vrai, hein? Au retour de la pause, une grosse pointe à l'adresse. Assemblage requis pour la semaine du 25 juillet 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. C'est la dernière heure de l'émission, l'heure numéro 3 de 3. Mm-hmm. Hein? Celle qui commence il y a 3 minutes, peut-être. Oui. La plus récente heure dans laquelle le fuseau horaire vous est situé. Hein? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on mange ou qu'on boive quelque chose. Hein? Donc, voici une grosse pointe à l'adresse. C'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit, que ce soit acheté en épicerie, en dépanneur, dans une bonne rangée quelque part, où les gens ne vont jamais, on explore, on patauge un petit peu dans les bas fonds, les marais de ces mauvaises rangées-là. Cette fois-ci, j'ai acheté ça à l'épicerie. Ah, faut, du coup, juste quelque chose de nouveau à chaque chronique. Là. Mais oui, c'est correct. Donc, cette fois-ci, c'est en épicerie. C'est un produit qui contient de l'alcool. Ouh! Ouh! Tu sais, tu m'avais demandé, oui, c'est ça. Tu m'avais dit, j'espère qu'un jour tu vas amener quelque chose qui contient de l'alcool. Ben oui! Donc, c'est ce que j'ai fait. Parce que c'est jamais arrivé, hein, du moins depuis que toi et moi on anime ensemble. Non. On n'a jamais goûté, exemple, à un drink ou une nouvelle bière ou quelque chose qui est sorti. Puis, c'est quelque chose qui manquait, là. C'est l'été, on est dans le temps estival, il faut le faire. Ben, je me suis demandé pour commencer si j'allais amener quelque chose à boire parce que j'ai amené quelque chose à boire la semaine passée. C'est vrai. La semaine dernière, on avait goûté. Oh mon Dieu, c'était quoi? Attends. C'était du jus en poudre de Starbucks. Oui, les Starbucks Via Instant Refreshers Orange Valencia. C'est ça. Ah, les autres, les noms de produits, sérieux. Hein? Est-ce que tu as eu des palpitations cardiaques par la suite après avoir vu ça? Non, toi? Oui. Ah oui? Je me demande si c'est pas plus caféiné que du café normal de chez Starbucks. Peut-être, mais en même temps, on boit tellement de caféine que ça devrait pas faire différence. Ah, la patate me pompait, là. Eh bien, peut-être que tu l'as bu trop vite. Peut-être. Ou peut-être le mélange de caféine et sucre, parce que je prends mon café noir. Peut-être, en effet. Donc, je vais sortir ça dans la table. Attention, c'est la raison pour laquelle... Roule-moi de tambour. Ouais. C'est la raison pour laquelle j'étais épuisé en arrivant tout à l'heure. C'est le Twisted Tea. Ouh! Le Twisted Tea. Lintan, prends le micro, là, parce que je suis tenu de te voir sans que tu parles. Baisse le micro, puis parle dedans, hein? Parce que tu vas devoir goûter avec nous, fait que, tu sais, à un moment donné, Lintan est avec nous. Faut que tu t'approches, par contre, Lintan. La même Lintan qui... La même Lintan qui est avec nous il y a quoi, 3 semaines environ? 3, 2, je sais plus. Il y a quelques semaines. J'ai pas vraiment la notion. 3 à peu près, je pense. Et t'essaies de m'oublier depuis, c'est ça? Donc, tu vas nous aider un petit peu à goûter à ce produit. Twisted Tea. Ça me surprendrait. Ben, non, mais c'est parce que le fait que ce soit du thé glacé, déjà, ça m'attire plus. Je bois tout le temps du thé glacé. C'est ça. Je trouvais que ça avait du sens. J'ai pas vu de marque. Je m'attendais à voir quelque chose dessus, comme c'est pas fait avec du Lipton Ice Tea ou n'importe quoi. Mais il y a pas de... En tout cas, la marque a l'air d'être Twisted Tea. Moi, j'ai jamais vu ça. D'accord. Mais moi, non. Est-ce que ça prend un nouveau... Ben, j'osais espérer qu'avec un nom comme Twisted Tea, qu'il allait avoir un bouchon twist-off. J'espère. Parce que sinon, je veux dire, appelle-toi, j'espère, genre... Sinon, on va avoir de la difficulté à ouvrir ça dans le micro magique. On va demander ça à la chasse, au pire. Probablement. T'as pas ça sur ta ceinture, sur ton porte-clés, un nouveau bouteille? Non. Pourquoi? C'est une blague. Je bois pas tant de bière que ça. Tania n'est pas une alcoolique. Non, merci beaucoup témoigner du fait que je ne suis point une alcoolique. Moi, je dois, à la défense, votre honneur, je dois me défendre en me disant que mon ancienne co-animatrice, le gag récurrent était que c'était une soulonne, alors que toi, ton gag récurrent, c'était tout le temps en train de coucher avec des joueurs de baseball. Oh my god! Non, mais on crée une histoire autour de mes co-animatrices. Ben oui, tu t'es fait. Jean-Philippe Charbonneau est tout le temps en train de manger. Tu sais, donc t'as tout le temps une caractéristique qui est comme amplifiée. C'est comme une caricature. Non, mais j'en connais un qui va se faire lapider après l'émission. Ouais, probablement. Donc. Je m'occupe personnellement de ça. C'est ce que je me disais. Donc, on voit que j'ai gardé ça dans un sac qui garde au froid parce que la bière, ou en tout cas le produit, est encore frais. Est toujours froid et en plus, les petites bulles sur le côté. Oh, là là! On aime ça. Sexy. Ce mouvement-là que je suis en train de faire avec mon doigt est beaucoup trop. Mathieu, il t'en manque, lui, ça fait que c'est correct. Merci, Tan. Ça fait plaisir. On se revoit là-bas. Voilà. Donc, Twisted Tea, vrai goût de thé glacé. Thé glacé alcoolisé. C'est marqué original, donc j'imagine qu'il y a d'autres saveurs. Ah, mais peut-être. Je ne les ai pas vus. D'accord. Ça dit 5% d'alcool, c'est des bouteilles de 355 ml. Ça dit, je vais en prendre une que l'étiquette n'est pas déchirée. Ben, il irait mieux. Je pense qu'il va falloir chercher longtemps. Donc, boisson de malt alcoolisée avec des thés sélectionnés et arômes naturels et artificiels. OK. C'est quand même intriguant, je trouve. Mais du malt, c'est drôle parce que c'est ce qu'on retrouve dans la bière. Oui, je connais pas assez l'alcool pour vraiment m'avancer là-dessus, mais il me semble qu'il n'y a pas l'histoire de on peut vendre des breuvages alcoolisés dans les épiceries si ça ne contient pas d'alcool fort. Ah, ça, peut-être. Je pense que c'est pour ça qu'il y a du malt dans les affaires qui sont à l'épicerie, alors que la même alcool va avoir de la vodka si tu l'achètes à la SAQ. Ah, ben tu vois, ça dit que c'est pour la fabrication de boissons alcoolisées en général. Voilà. Comme exemple, le whisky, mais surtout la bière. Mais là, c'est du thé glacé. Oui. Ça me laisse perplexe. Ben, je me demande si c'est du thé glacé, parce que je me demande aussi si c'est pas à saveur de. Est-ce que c'est des extraits de malt? J'aimerais tellement avoir une bouteille. Il est écrit thé glacé alcoolisé, fait que techniquement, c'est pas... À saveur de. T'as raison. Je le sais, j'ai toujours raison. Ben, c'est pour ça qu'on te voit à micro. Peut-être que l'alcool qu'il y a dedans, c'est du whisky ou quelque chose du genre. Je me demande si ça serait vendu si ça... Ben, tu sais, il existe des fausses bouteilles de vodka là, à l'épicerie que t'achètes quand t'as 16 ans et demi. Là. Ouais, genre des... Pas des poppers, mais c'est ouais, ça? Genre... Mais non, mais d'autres sortes, t'as des bouteilles, des grandes bouteilles. Je parle pas des packs, là. Je parle vraiment comme une style de bouteille de vodka cheap. On appelait ça de la vodka cheap, d'ailleurs, dans le temps. D'accord, ouais. On passera pas par quatre. Tu sais ce que t'amènes à ton après-balle, ah! Eh ben, ça, c'est après le match de baseball, après-balle. C'est tellement facile. C'est terrible, tes cordes sont terribles. Mais c'est des jokes, tout le monde sait, c'est des jokes, voyons. Je reçois beaucoup de messages, je m'en serais. Premier degré, hein, tout le monde, premier degré. Donc, c'est dit pour un meilleur goût, consommer avant la date indiquée, ça dit mai 2017, on a quand même un an presque pour les boire. C'est bien. Je pensais pas que ça dure jusque-là. C'est marqué fabriqué à la main. OK. Handcrafted by the Twisted Tea Brewing Company de Brenningsville en Pennsylvanie, zip code 18031. Importé au Québec pour la corporation Boston Beer Canada de Chambly, toi. Ah, oulala. Là là. Chambly. La même que la bière de Chambly? Oui. Ah, voilà. Oui. Dit-il, pas sûr de sa réponse? J'ai aucune idée. Ingrédients. Ça commence par l'eau. OK. Donc, eau, thé, malt d'orge, acide citrique, glucose, fructose, arôme naturel et artificiel, contient de l'orge. J'imagine qu'avec du malt d'orge, le contenu de l'orge, c'est sûr. Tout à fait. Il n'y a rien d'autre. Le dos est complètement nu. Donc, elle est vraiment en après-balle, elle aussi. Naked bottle. Conseiller d'hygiène, pas mal ça. Il n'y a plus rien d'autre. Bon, ben, tu vas-tu nous déboucher ça? Il va falloir c'est moi que. Qui débouche. Ben, c'est ça, ah, d'accord. Le micro magique n'est pas de mon bar, il y a du bar. J'avoue, j'avais pas pensé. Le pitch la poste, s'il te plaît. Non, j'ai l'habitude de lancer les produits de l'autre côté de la console. Hein? Effectivement. Okay. Donc, micro magique, si c'est twist-off, là. Ben, j'espère. Allez, les mains moites, Tania. J'ai trop parlé du gars. Je vais utiliser quelque chose pour m'aider à l'ouvrir. Une feuille de journal. Ben c'est mieux que rien. Ça s'appelle de l'autonomie. Et elle va se salir les mains encore plus que la. Tu sais quand t'étais petit, là, ta mère te disait pas de prendre une serviette pour ouvrir des choses. Voilà, c'est la même chose aujourd'hui. Oh boy, pas sûr que c'est Twisted Cat. Ben, pas sûr non plus. Oh oui. Oui, oh. Du moins ça twist dans le vide présentement. Fait que là le son qu'on entend c'est la feuille de journal qui fait du. Oui, pas mal plus que d'autres choses. Ça ne s'ouvre pas sans eau bouteille. Ça fait juste tourner dans le beurre. Donc, est-ce que tu veux y aller ou envoyer notre collaboratrice? Je pense qu'on va envoyer notre collaboratrice. Je peux bien y aller. Linton va aller nous ouvrir cette bouteille. Est-ce qu'on ouvre juste une ou deux? Ben, si elle pouvait demander un ouvre-bouteille. Ah! Oui, c'est ce que je vais faire, en fait. Pour qu'on puisse l'ouvrir, on va leur ramener par la suite. Super. Fait que je reviens tout de suite. Merci, Linton. Ça a vraiment la couleur de la bière, mais déjà en partant, le thé glacé, ça l'a... Ouais. Tu sais, sensiblement la même couleur. Il faut dire, oui, tu l'as bien dit, ça, la couleur de la bière, parce qu'on aurait pu penser que la bouteille était un petit peu ombre, brune. Mais non, étant donné en haut de l'étiquette, il y a un petit espace transparent, on voit que la bouteille est vraiment transparente, donc c'est vraiment le liquide qui est de cette couleur-là. L'étiquette en tant que telle, pour le design, c'est très, très ensoleillé. Oui. Ça fait, c'est quoi la bière avec un soleil? Sol. Donc c'est dosequis. Dosequis. Donc l'étiquette est jaune. En espagnol, pas tout à fait à point. Avec les rayons de soleil en haut et en bas, on voit que c'est comme la mer, mais teinte jaune. Donc j'imagine que le reflet du soleil sur l'eau un petit peu, donc on voit vraiment que c'est de l'eau. C'est ce que j'ai hâte de savoir. Oui. Si, parce que c'est dit vrai goût du thé glacé. Ouais. Est-ce que c'est du thé glacé? Thé glacé, oui. Ou bien c'est du thé glacé au citron. Parce que ceux qui ont déjà goûté à du thé glacé dans un magasin de thé, où c'est du thé sur glace, ça goûte pas la même chose qu'un thé glacé. Exactement. En bouteille. Donc j'ai bien hâte de voir la différence que ça va avoir. Linton est revenu avec une autre bouteille, wow! Ben oui, la chasse-galerie a été assez généreuse pour nous prendre. Ah, qui sont fins! C'est avec eux. Excuse-moi. Effectivement. Je vais fermer ton micro. Je vous ouvre ça, là. Go! Ah! C'est très, t'as très bien réussi ça. J'ai bien fait ça. Aucune goutte nulle part. Aucun dégât. Zéro goutte. Oh boy, que ça sent l'alcool, les amis. Zéro goutte. Oui, est-ce que ça sent le thé glacé aussi? Ça sent le thé glacé au citron. Oh, nice. Mmh. J'ai bien hâte de voir si ça goûte ça. Mais ça, une chose est sûre, ça sent l'alcool. Et boy, ça, oui, je le sens. Linta n'a pas l'habitude de boire beaucoup. Fait que probablement que deux gorgées. Elle sort, beaucoup, mais elle ne boit pas beaucoup. C'est, ça? C'est vrai. Ben, je bois pas. Ben, vraiment, elle boit du thé glacé. Oui. Mmh, sans alcool dedans. Mmh. OK, j'y vais. Par la suite, je vous prête ça. D'accord. Go. Et boy. Oh, ça fait une petite phase de... Ouh. C'est sûr, on dirait. Bon, allez-y, puis je commenterai par la suite. OK, faut pas faire d'idée à l'autre. Ben à non, exactement. Mais ta face, ça voulait tout dire. Ben non, mais là, il est 4h15, là. Ah, il est toujours 5h quelque part, comme on dit. J'aime beaucoup le fait que dans le capuchon de la bouteille, ça soit marqué « crazy ». Ah! Je sais pas si chaque bouchon a quelque chose de différent d'écrit. Un adjectif, peut-être. Peut-être. on tous comme pas là, vraiment d'avis... Ça a l'air surette ou on dirait que non? Non, non? Ok. Non, je sais. Je m'essaie. Essaie-toi. Alors, ensuite, j'ai comparé ça à quelque chose. Tu vois? Quand j'avais 16 ans, puis qu'on avait des parties de garage chez mon cher ami Simon Baudry. Salutations à Simon. Oui. On faisait des mix qui s'appelaient thé glacé vodka. C'est exactement ce que ça goûte. C'est pas mauvais pendant tout, j'aime ça, mais c'est ça prend mauvais, par surprise. Ça prend par surprise. C'est parce que l'alcool est tellement fort que dans la gorge, quand tu t'attends pas à ça, on dirait que ça fait comme... Exactement. T'as comme l'impression que ça goûte moins le thé glacé que l'alcool. Ouais. Pourtant, mais c'est juste 5%. Le goût en tant que tel, dans la gorge, une fois que c'est avalé, le thé glacé reste. Oui, j'ai encore c'est le citron, j'ai encore... Oui. Ouais. Ça goûte le thé glacé au citron beaucoup plus que, tu sais, exemple, c'est pas du thé vert. Là. Non, c'est vraiment extra citron, même. C'est quoi? Oui, c'est vrai qu'ils ont pris. C'est peut-être ça qui prend par surprise. Oui, peut-être qu'ils ont pris même un quartier de citron. On dirait qu'ils ont comme intégré le quartier de citron dedans. Oui, ouais, exact. C'est un mélange de tout, là, qui. Ouais. Comme une Corona, ça serait peut-être bon, par exemple. Un citron dedans. Un citron dedans. Peut-être bien. Mais moi, j'aime ça. Oui, c'est rafraîchissant. Je trouve pas ça mauvais. C'est plus rafraîchissant, hein. Alors, peut-être pas plus, là, mais que le orange vélancier de la semaine passée. Oui, oui. Je trouve que les deux sont moins assez... Moins poudreux. Un peu moins poudreux. Mais on l'avait pas, la recette t'as pas suivi la semaine passée. Non, c'est vrai. Alors que ça, au moins, c'est ce qui est le fun, c'est que t'as pas à faire ta propre vodka. T'as pas à aller t'acheter de la vodka et faire ton propre thé glacé pour les mélanger ensemble. J'aurais peut-être mis un petit peu moins de saveur de citron dedans, un petit peu moins. Oui, peut-être. Peut-être. Mais, tu sais, tout à l'heure, je parlais de vodka cheap d'épicerie. Ouais. J'ai comme l'impression que, tu sais, ça a ce petit goût-là, là. Ouais. Ça n'a pas le goût de vodka polar. Là, ben c'est ça. On a sûrement des auditeurs qui sont au courant de cette affaire-là. On ne cherchera pas pendant l'émission, mais il me semble que les épiceries n'ont pas l'air de vendre les alcools forts. Fait que peut-être que si tu parles de vodka d'épicerie, c'est du malt. C'est ça, exact. Différent. Ouais. C'est, mais c'est, les dépendants non plus n'ont pas non, je pense c'est un pas. Moins gros pourcentage, si je me souviens bien. Ouais, ça ressemble à ça. Bref, on part à travers notre chapeau, mais on a une base de vérité là-dedans, je pense. Mais oui. Mmh. Mais c'est quand même bon. Sur le bord de la piscine l'été ou. Tu sais, pas spé. Et bien froide. Oui, bien froide. Je trouve que c'est important. Et Mathieu, je sais pas si tu l'avais mentionné, mais combien pour un six-pack? T'en souviens-tu? Oui, c'était en spécial à 10$. Ah, oh, c'est bon. C'est bon, c'est pas super. Non, c'était bien. Ça valait la peine. C'est une bonne idée. Puis t'avais pris ça chez... Une épicerie, voyons. Une épicerie proche de chez nous qui s'appelle le Marché Ami. Mais d'accord. C'est là que je l'ai pris. Voilà. Mais je dois avouer que ça remplace pas mon vrai thé glacé Nestlé. Non. Mais c'est vrai que c'est pas du thé glacé... C'est pas du thé glacé qu'on connaît, mettons. Non, c'est ça, exactement. Ouais. Bref, moi, je mets mon pouce en l'air. Oui, moi aussi. Moi aussi. Yeah! 3 sur 3. Super. Est-ce qu'on parle de fast-food? Tout à fait. Quelques petites nouvelles. Commençons par Krispy Kreme et les saveurs du monde dans leur beignes. Donc, Krispy Kreme a de nouveaux beignes inspirés par les desserts du monde. Il y a pour commencer le beignet au churro. Ouh, d'accord. On a déjà parlé de churro aussi, la petite pâte twistée, un petit peu en bâton. À la cannelle et avec du sucre, 190 calories. Il y a aussi le beignet crème brûlée rempli de custard à la vanille trempé dans un glaçage au chocolat noir. Et là là! Et avec comme garniture des flocons de crème brûlée. D'accord. Ça a l'air fantastique, 360 calories. Et finalement, le beignet tiramisu avec le classique Krispy Kreme là, pour le beignet en tant que tel. Ensuite, une crème de tiramisu trempée dans du chocolat noir, du glaçage de tiramisu. Un petit peu de drizzle, donc un filet. Un filet, oui. Un filet de chocolat noir, des miettes de gâteau et des grains de café au chocolat. Ça doit être bon, ça. Wow, dans le même bain, moi, je pense que je commencerai par celui-là. C'est chez Krispy Kreme, c'est aux États-Unis. Je sais pas, je sais qu'on a des Krispy Kreme dans certains endroits ici, parce que ça dit dans l'article que c'est disponible au Canada. Ah oui? C'est jusqu'au 28 août. Dans les Krispy Kreme américains. Je pense qu'il y en a à Montréal, des Krispy Kreme. Ça se peut. Je sais qu'il y a, en tout cas, dans le temps, ça fait longtemps que je suis pas allé là, mais il me semble que le Petro-Canada, aux 5 coins, oui, 4-5 coins, il y avait un petit kiosque Krispy Kreme dedans. Si c'est encore le cas, je sais pas. Faites-nous signe si c'est encore là, si vous savez. Ou si vous passez par là. Genre, ou si vous travaillez là. Et voilà. Peut-être vous nous écoutez. Ensuite, on va en Inde. Toujours le tour du monde du fast-food. On va chez Domino's qui lance une nouvelle Burger Pizza. Ce n'est pas une pizza ou un burger comme on connaît, là, avec steak, fromage dans une pizza. C'est quand même assez classique. Non, là, en Inde, ce qu'ils offrent, c'est le contraire. Burger pizza. Donc, leur slogan dit « Ça ressemble à un burger, ça goûte la pizza. » OK. Donc, à l'intérieur, d'une galiture aux fines herbes, légumes, sauce de tomate, fromage mozzarella, à l'intérieur de deux pains moelleux avec quelques herbes sur le dessus. Donc, visuellement, ça ressemble à un hamburger qui aurait fait avec un genre de demi... on dirait un bagel sans trou. Ouais, quand même. Pas vraiment muffin anglais. Non, pas vraiment. Donc, le burger est disponible en deux options, végétarienne et deux non-végétariennes. Les options de légumes sont des portions... Attends un petit peu. Les options végétariennes sont cibles un public indien. OK, je sais pas ce que ça veut dire. Sur la chaîne, ils ont... OK, c'est ça. C'est parce qu'ils doivent partager, ils doivent séparer les trucs. C'est autre chose, je sais pas. C'est à peu près ça. C'est ce que je comprends pas la phrase. C'est pas cher quand même pour un hamburger. 1,33 américain, c'est pas cher. Ça dit « Build incremental growth in the all-day individual consumption segment ». Donc, ils essaient de se trouver un nouveau public dans la consommation individuelle à longueur de jour. Ah, voilà. Je comprends pas vraiment pourquoi on spécifie ça. Mais j'imagine que les légumes sont différents aussi parce que ça doit être des légumes indiens. Absolument. Ça donne faim, en tout cas. Ensuite, on revient. Ah, tiens, j'aurais dû la mettre avec l'autre nouvelle de Krispy Kreme, mais on a maintenant une boisson gazeuse. D'accord. Krispy Kreme. Ah, ça s'appelle le Cheer Wine Cream. Ouf. Par Krispy Kreme. C'est du vin, entre guillemets, boisson gazeuse, à saveur de cerise. Ça finit par être intégré, cette boisson-là, dans les beignes de Krispy Kreme. Donc, inévitablement, on a fait maintenant le contraire. On a mis la saveur des Krispy Kreme dans cette boisson gazeuse-là. Donc, la boisson gazeuse à saveur de Krispy Kreme et de cerise. Mais est-ce que c'est alcoolisé? Non. OK. Non, c'est vraiment juste de la liqueur, mais ils appellent ça du wine, j'imagine, pour faire un petit peu plus luxueux. Ah, c'est disponible en Caroline du Nord, Caroline du Sud et Savannah en Géorgie. Pour l'instant, si ça a du succès, ça va aller ailleurs. Mais une liqueur au beigne. Je suis pas sûr. Ça dit deux classiques du sud américain et un seul goût légendaire. Mais je suis pas certaine que ça goûte la beigne. Ça doit goûter l'intérieur de la beigne aux cerises. Je me le demande, je sais pas. Je sais pas. En même temps. Mais ça doit taper sur le cœur. Ça doit goûter le Dr. Pepper. Peut-être. Mais justement, s'il avait mis de la liqueur dans les beignes, donc fourré à la liqueur, j'imagine que pour avoir l'effet contraire dans une liqueur, il faudrait mettre le beigne et non pas ce qu'il y avait à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, c'était de toute façon du cheer wine. Peut-être. Oh, hein, ou t'as un petit goût crémeux. Ouais. Ça a l'air bon. On va chez Taco Bell maintenant qui nous annonce une version plus portative d'une quesadilla. Parce que tu sais, une quesadilla, c'est plate, là, mais il faut la prendre avec ses deux mains. T'sais. C'est vrai. C'est tout mou. Hein? Tout à fait. Taco Bell essaie une version plus portative. Handheld, donc tenable dans la main, qu'ils appellent Grande Quesadilla Slice, étant donné sa forme en pointe de pizza. Ça a été vu à Eaton, en Ohio. C'est les mêmes garnitures que la quesadilla normale de la chaîne, donc un choix de poulet ou de steak, en plus d'un mélange de trois fromages et une sauce jalapeno crémeuse. Mais dans un tortilla en forme de diamant. Un petit peu plus épais que d'habitude, plié en deux pour former une tranche, une pointe triangulaire. Ça ressemble un petit peu à leur grilled stuffed nacho, mais avec les côtés ouverts. Deux versions du Grande Quesadilla Slice offertes pour $2.50. Sinon, ça dit aussi que ils ont offert une Grande Quesadilla dans le passé qui était en fait une quesadilla avec du pain plat à la place d'une tortilla à la farine. Donc plusieurs variétés, mais toutes le même goût finalement. Ouais, c'est ça. Tu varies le contenant et non pas le contenu. Et voilà. Ensuite, un petit Spotted. Il faut tout le temps que je cherche. C'était quel Spotted que je voulais mentionner? Est-ce que c'est celui-là? Non, sûrement pas. Voyons. Coudon. C'était lequel? Ah oui! Okay. Mais c'est pas le premier? Non, c'était celui qui s'appelle Go Big, dans le milieu de l'article environ. C'est des Go-Gurt. Oui. Tu sais, comme les yogourts le tube? Oui. C'est quoi ça? Mais pour les adultes. OK. De Yoplait. Même marque. Donc, des Go-Gurt pour les enfants dans le cœur. Hein? Du cœur. C'est à la fraise pour l'instant. En tout cas, on l'a vu en fraise sur les photos. J'imagine que d'autres saveurs s'en viennent. Mais pour les gens qui veulent faire comme leurs enfants, avec des tubes de yogourt. Comment tu sais c'est pour les adultes? Parce que le marketing est plus adulte et que le nom est Go Big, comme okay. dans les tuyaux, les tuyaux. Les tubes sont plus gros. D'accord. Oui, vos tuyaux vont avoir autant de misère que si vous avez des problèmes avec les produits laitiers. Un autre spotted au Canada cette fois-ci, c'est des carrés Rice Krispies au riz brun. Hein? Miam, non? Ça doit être cool. Bon. Ça doit être vraiment bon. Très entier, complètement. Génial. J'avais jamais vu ça avant. C'est chez Walmart au Canada, donc allez-y maintenant si ça vous intéresse. Un autre spotted, ça c'est vraiment stupide. Little Debbie, c'est ceux qui font les petits gâteaux cheap qu'on achète dans l'épicerie là, en emballage de genre 8-10, c'est comme 1,50. Oui, ils font des petites affaires au riz, des affaires sucrées vraiment au guimauve, là, c'est super sucré. Bon. Donc Little Debbie, ils viennent de sortir des brownies en forme d'emoji. Oh boy. Ils n'ont même pas pensé à faire leurs brownies ronds, tu sais, comme un emoji, mais c'est non. rond. Mais à la place, non, c'est un emoji. C'est comme carré, hein. Genre, ben c'est comme carré avec les coins en genre de pente. Oui. Genre de. Pas d'arrêt. Ça a l'air d'un arrêt stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est quoi? C'est un hexagonal. C'est ça? Ah, mais c'est peut-être ce pour ça que ça s'appelle Back to School. Oui, Back to School, parce qu'à l'école, on apprend les polygones. C'est sûrement ça le lien. Non, mais c'est probablement parce que. Ça fait comme un. Tu sais, là, un. Un arrêt stop. Ben, l'affaire, c'est les autobus, là, qui sortent. Ouais, c'est un arrêt stop. C'est ça. Un arrêt stop, ouais. Ben, okay. C'est le même arrêt stop que sur le coin de rue, sauf qu'il est pogné après le bus. Hein. Ok, ça va faire, ça fait longtemps que j'ai fini l'école. C'est comme si t'arrivais dans la rue, puis tu voyais un stop, tu dis, hey, c'est pareil comme l'affaire que sur le bord des autobus, hein. Non, mais tu sais, ça n'a pas ça. Donc, dessus, il y a des emojis de dessiner. Petit bonhomme sourire, petit bonhomme avec des cœurs à la place des yeux, etc., etc. De Little Debbie. Ils sont pas très, très originales. Non. On va chez Starbucks encore une fois, qui révèle en fait maintenant commander une boisson mauve et d'autres couleurs que vous n'avez pas normalement chez Starbucks. Donc orange, mauve, bleu, rose et des boissons vertes. Donc on appelle ça des boissons de l'arc-en-ciel. C'est disons assez populaire sur les réseaux sociaux avec entre autres des hashtags comme Orange Drink sur Twitter et Instagram. Donc maintenant il y a des recettes qu'on peut avoir et qu'on peut demander chez Starbucks. Ah ouais. Donc voici comment commander vos drinks préférés dorénavant. Le drink à l'orange. On demande donc du jus orange mangue avec de la poudre de vanille et un soupçon de lait de coco. Ah d'accord. Le mauve, c'est un thé fruit de la passion tango, passion tango, glacé, oui. Sans eau. On remplace avec du lait de soya, du sirop de vanille et des blackberries, c'est des mûres. Des mûres, oui. Des mûres. Ça doit être bon. Ça doit être très très bon. Boisson bleue, c'est Iced Passion Tango Tea, sans eau. On remplace avec du lait de soya et du sirop de vanille. D'accord. La boisson rose, c'est un refresher fraise et belle acaille, oui. Starbucks refresher sans eau et on remplace avec du lait de coco. Le et vert a tellement l'air bon. Le vert, c'est le dernier, c'est du thé glacé noir, donc ice black tea sans eau. On remplace avec du lait de coco et du matcha. Mmh. On dit de ne pas les commander par leur nom parce que le ou la barista ou barista, Pourrait ne pas savoir. Barista, c'est quelqu'un qui est spécialisé en oui, café. C'est ça, mais le masculin, c'est pas barista, mais ça me fait rire. Non, c'est barista les deux. Donc, demandez-le pas par le nom, demandez-le par la recette que je vais vous dire. Ah, ok. T'as l'air de quelqu'un déterminé quand t'arrives là puis tu dis la recette au complet. Oui, hey, barista. Oui, s'il te plaît, je peux-tu avoir ça dans un verre. Pour apporter. Et la fille est comme, un green drink. Mais j'avoue qu'ils vont commencer par le savoir. Hein. C'est clair. Ensuite, celui-là, on a déjà parlé. Prochain, un autre spotted, tiens. Encore une fois, je vais chercher lequel je voulais vous parler. Attention, lequel. Ah oui, tiens. C'est le l'avant, avant, avant, c'est au milieu. OK. Donc, c'est celui qui s'appelle Strawberry Piñata Cake. Ouh. C'est un gâteau blanc. Ça avec, a l'air tellement sucré. Mais avec une tranche de. Ben, une tranche, une couche de mousse et de. Qu'est-ce que ça dit? De sauce aux fraises et le gâteau lui-même, quand vous allez le faire, va être rempli de bonbons confettis et il va y avoir par-dessus une coquille, donc dure, de glaçage. Donc le kit de gâteau, c'est pas un kit que tu dois faire toi-même. Le gâteau est déjà comme ça. Ok. T'as juste à le dégeler et à le servir. Oh boy. Blocage d'artère 101. Mais ça, ouais. Mais pour t'as des bonbons dedans. Pour un huitième du gâteau, ouais. C'est 210 calories. Pour un huitième, là, pour un huitième. Mais t'as du bonheur en le mangeant. Mais je suis pas sûr que c'est tant du bonheur là, tu sais quand c'est trop sucré là, des fois là t'es comme. Ça arrive vraiment. Ça tombe sur le cœur. Ouais, tu sais avec modération là. Ok ouais. Bon. Tu prends un 16e du coup. On était rendu où? Est-ce qu'on selon on l'avait fait? Je pense qu'on est rendu à Starbucks et les Pop-Tarts maison. C'est bien ça? Starbucks qui sort des Pop-Tarts maison. Dans quelques instants, je vais vous en parler parce que l'article est en train de loader. C'est un bout d'encrané, il faut que j'arrête pour charger le reste. Sinon, ça fait comme planter mes affaires. Bon, bon. Donc, Starbucks qui révèle un nouveau dessert cuit au four, une version fancy des Pop-Tarts qui s'appelle les Magpies Artisan Tarts. Ils ont gardé le mot Tarts qu'on utilise rarement dans la vie. Mais ouais, effectivement. Parce qu'ils voulaient copier le nom qu'on s'en rappelle. Bon. Tout à fait. Originaire de New York City, C'est donc une tarte naturelle, donc avec des ingrédients naturels, au beurre, une croûte floconneuse. Oui. mettons. Floconneuse. J'ai vraiment des adjectifs. un intérieur confiturisé. Oui. Et un glaçage sucré menteux. OK. Voilà. Sucré menteux. Qui était vendu à l'origine par le propriétaire de. Attention, non, c'était vendu à la base devant le magasin de Megan Ritchie à Brooklyn. Et là, quelqu'un l'a remarqué et a proposé ça à Starbucks. Éventuellement, c'est allé dans tous les restaurants, les cafés locaux en 2014. Starbucks a approché Ritchie pour vendre les tartes dans des boutiques de New York. La popularité de la tarte a mené Starbucks à augmenter la distribution dans 30 endroits. Ah ouais. Et maintenant, la compagnie, tous les magasins qui sont gérés par la compagnie, c'est environ 7500 restaurants aux États-Unis, vendent ces tartelettes. Les McPies dans les Starbucks en deux saveurs, fraises et cannelle et cassonade, miam. Mm. Pour, évidemment, c'est Starbucks quand même, 4$. Oh! La pop-tart. Mais ça dit que ça peut varier. Oui, ça dit que ça peut varier. Et t'sais, une boîte de pop-tart, c'est comme 2 pour 4 piastres, hein, mais t'sais, ouais, c'est pas ça. La même qualité. Non, tout à fait. On s'entend que Megan Ritchie a probablement fait une bonne affaire. Oui, probablement. Il y a une bonne cote de ça qui lui revient. Probablement. On va chez 7-Eleven maintenant, qui titille un peu les fans de slush avec une offre spéciale qui, pour les fans de slush, pourrait valoir la peine. C'est que t'en achètes 7. Oui. OK, on est chez 7-Eleven. OK. T'en achètes 7, t'as droit à 11 slush gratuits. Ah, ici, bol. Incroyable. Donc, c'est via leur application mobile. 11 slurpees gratuits quand t'en achètes 7 à partir du lundi 18 juillet. Mais dans non. Les boutiques participantes. Donc, les 7 slurpees peuvent être de n'importe quelle grandeur. Tu pourrais prendre des mini-formats. Alors que les 11 slurpees gratuits vont être des coupons de slurpees gratuits dans l'application qui vont être disponibles à l'intérieur de 24 heures après l'achat de la 7e boisson. Hey boy. Donc j'imagine que c'est fait pour que le lendemain de l'achat de la 7e, t'achètes tes 11 boissons. Si tu dépasses les 24 heures, t'as plus le droit d'en acheter d'autres. Probablement. Il faudrait que tu y ailles prendre les 11 et une à la fois, j'imagine. C'est pas très très réaliste. Les coupons sont bons jusqu'à la fin du mois. Attends un peu. Attends, je vais relire comme il faut. Coupons gratuits dans l'application. OK, ça va arriver 24 heures après l'achat de la 7e boisson. Oui. C'est pas ça. C'est pas ça partout. Donc, les coupons sont bons jusqu'à la fin du mois d'août. Oubliez ce que j'ai dit. Il faut scaler votre application lorsque vous achetez une Slurpee pour que ça compte. OK. Voilà. Là, c'est dit correctement. Voilà. Rien à dire de plus. Slurpees, les équivalents de la slush, bien sûr. Mais boy. Combien de fois j'ai mis l'article sur les Oreos au beurre de chocolat? Au moins 12 fois, parce que moi, je les ai toutes ouvertes avant, puis là, je viens de toutes les fermer. Où suis-je rendu? Attends un petit peu. J'étais rendu à... T'es comme rendu au deuxième. Ah, c'est ça, c'est parce bloc. Que... OK, je comprends, c'est parce que je les ai remis dedans. Non, il y en a quelques-uns qui sont nouveaux à la fin. OK, donc, je vais te suivre. J'ai juste mal fait ma job. Donc, il y en a deux derniers à la fin du premier bloc. Le premier, c'est des moules pour faire des œufs en forme de cœur, de hibou et d'étoiles. C'est mignon. Ça s'appelle les Express Egg Molds, qui transforment vos œufs bouillis en des formes amusantes, peut-être pour faire manger des œufs à vos enfants. Donc évidemment, ce qu'on doit faire, c'est faire bouillir hard boil votre œuf. Ensuite, vous le refroidissez, vous enlevez la coquille de l'œuf, vous mettez ça dans le moule, vous placez ça dans l'eau froide pendant 10 minutes et l'œuf au complet, vous perdez pas de morceaux là. Ah ouais. Ça fait vraiment un œuf qui devient la forme. Je pensais que ça allait fouiller. Moi, je pensais aussi. C'est comment? Moi aussi. OK. Excuse. Oui. T'as radio. J'oublie. Lynn, elle oublie que t'as pas mal. C'est pour ça, les, oui. les gens me demandent pourquoi est-ce qu'il faut porter des écouteurs. Oui, exact. Pour ça. C'est à cause de ça. Donc, sorry. Parfait pour les salades, les déjeuners, etc. Dis l'article. C'est si mignon. Et ensuite, pour terminer ce premier bloc, c'est le GoSun Solar Dugger. C'est quoi ça? Bizarre un peu, donc c'est pour les hot dogs. Okay. C'est un appareil compact qui utilise la lumière du soleil ainsi qu'un design intelligent pour amener la température à l'intérieur de son tube à 550 degrés Fahrenheit. Wow. En quelques minutes. Ce qui va faire cuire une paire de hot dogs, on parle des saucisses ici, oui. En seulement 10 minutes. Hey. Ça pèse 2 livres. Okay. C'est repliable, beaucoup plus facile de l'amener dans le parc qu'un grill ou un charcoal, etc. Beaucoup plus facile à nettoyer aussi. Et si vous n'êtes pas d'humeur pour des saucisses, vous pouvez aussi remplir ça de taquitos. Tu sais, les petits tubes avec de la viande dedans, puis c'est tellement bon. Des rouleaux de printemps, des patates genre tater tots, des petites patates en genre de cylindre, des veggie dogs pour ceux qui aiment les trucs végétariens. Et c'est n'importe quelle nourriture tuère, comme nous dit l'article. Ça a vraiment l'air d'un lit à bronzer. Tellement. C'est vraiment et ça. C'est vrai, là. Je suis sûr que c'est basé là-dessus parce que c'est Go Sun oui. Solar. On dirait que ça fait du beef jerky, non pas des saucisses. C'est vrai, hein, le pire. Miam, ça a l'air bon. Ça veut dire que dans le fond, j'ai fait le premier bloc avec. Exact. On peut aller au deuxième après la pause. Tout à fait. OK. quel bon moment pour prendre une pause alors. Tout à fait. On revient avec plus d'une grosse pointe d'adresse et on va pouvoir caler un petit peu de bière pendant ce temps-là. Merci. Non, merci. Avantage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Bonjour à Assemblage Requis pour la semaine du 25 juillet 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Pour les auditeurs du mardi, vous êtes à peine à une demi-heure du match de baseball numéro 1. Il y en a deux aujourd'hui. C'est vrai. On est le 26, donc à 17h05, ce sera le premier match. En fait, le deuxième d'une série de trois qui aurait dû avoir lieu hier. Donc, ça va être à 17h05. Et ensuite, une demi-heure après le premier match, il va y avoir un deuxième. Et ce sera donc le troisième de la série. Contre le New Jersey, toujours. Oui, voilà. Ça, c'est dans une demi-heure environ. On a une deuxième portion d'une grosse pointe d'adresse à faire avant ça. Donc, nous voici arrivés. Encore plus de fast-food! Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte un produit du tiroir et ensuite on parle de fast-food. On a déjà goûté tantôt à notre superbe thé glacé, alcoolisé, Twisted Tea. Mm-hmm. On a donné chacun un pouce en l'air à ça. C'est vrai. Lintan qui est parti entre-temps, malheureusement. Oui. J'aurais pas dû prendre de ponce, ça serait resté plus longtemps. commençons par quelque chose qui pourrait l'intéresser, cette Lintan-là. On parlait d'elle jusqu'à la fin de l'émission. C'est un café à la Hello Kitty en Californie. Hein? Donc, oui. C'est au Irvine Spectrum Center à Irvine, en Californie, qui servent des petites, toutes petites liqueurs, boissons gazeuses, des toutes petites pâtisseries, des tout petits desserts avec de l'art en mousse de Hello Kitty dessus. Absolument adorable, tout à fait rose. Et le café lui-même est, dans le fond, un ancien container d'exportation-importation, ouais, converti en restaurant, et c'est tout à fait rose. C'est vraiment mon Dieu. Le gars qui est sur la photo, ouais, avec le sac de Hello Kitty. La sacoche, on va dire. Oui. Ressemble étrangement à Paris Hilton il y a quelques, oui, années. Tout à fait vrai. Comment tu connais Paris Hilton? Ben, mon Dieu, Paris Hilton, qui connaît pas Paris Hilton? Ben, je sais pas, j'avais l'impression que c'était juste les Américains qui connaissaient Paris Hilton. Ben non, voyons. Le gars du blog... Paris Hilton. Paris Hilton. Il a participé à plusieurs télé-réalités, j'imagine, qui ont été doublées, puis c'est pour ça qu'on le connaît ici, j'imagine, non? Parce qu'en fait, c'est pas une vedette. Non, moi, je lisais son blog il y a quelques années. Et ben. Mais t'es comme une Américaine. Et voilà. Bon. Bref, allez voir les photos, c'est tout à fait joli, tout à fait mignon. Donc, c'est ça. Ensuite, on parle souvent d'accidents qui ne servent absolument à rien dans cette chronique-ci, mais qui font des drôles de mélanges. Par exemple, sur une autoroute, il y a eu un renversement d'un camion qui livrait de la mayonnaise, oh, et un camion qui lisait de la vinaigrette. Chipait de la vinaigrette. C'était sur l'autoroute 401, Don Valley Expressway à Toronto, au Canada, ici même. Oui. Au Canada. Mayonnaise et vinaigrette, évidemment, ça fait un bon petit combo, là. Je sais pas. Ah, ça doit sentir horrible. Ouais, très gras. Tu sais, avec le soleil, là. Oui, j'avoue que la mayonnaise au soleil, ça devient jaune assez rapidement. Hein? Ça doit être dégueulasse. Ensuite, on va pas dans un pays précis, mais en fait, on s'envole avec KLM Airlines et Heineken qui s'assemblent pour servir de la bière en fût dans leur, ouh, vol d'avion. C'est donc gentil. Absolument. Les gens qui veulent pas boire dans une canette ou dans une bouteille, c'est une ligne hollandaise KLM qui s'est donc assemblée avec Heineken pour servir de la bière en fût. Ça dit que c'est possible grâce à un Brewlock keg, donc un keg barré, et ça affecte pas le goût ou la forme de la bière. Brewlock, j'imagine que c'est pour embarrer la bière à l'intérieur, même lorsqu'elle est servie à une altitude élevée. J'imagine que l'altitude en tant que telle doit changer les propriétés de la bière. Probablement. Donc dans ce cas-ci, ça changera pas la bière. Le keg, donc, est le résultat de plusieurs années de recherche sur la pression à l'intérieur des avions. Donc, ça utilise la pression de l'avion à la place du dioxyde de carbone. Edwin Griffin, chez Anakin, a dit, je cite, « Étant donné que la pression de l'air est beaucoup plus basse dans un avion qu'au niveau de la mer, un keg traditionnel ne fonctionnerait pas. Ça ne ferait que donner beaucoup de mousse. » Donc, l'appareil en tant que tel a été imprimé en 3D et roule sur un trolley. Donc, on le transporte sur des roulettes. Voilà, donc c'est Heineken chez KLM Airlines. Ça vous dit de booker un vol vers la Hollande ou j'imagine d'autres places qui sont desservies par KLM. Ensuite, ça s'appelle le Bratwurst Bot. C'est un robot qui peut autonomiquement, est-ce qu'on dit ça comme ça, de façon autonome, faire cuire un paquet de saucisses. Oh, d'accord. Mm-hmm. Donc, le Bratwurst Bot, un robot qui fait cuire des saucisses et qui peut ajouter donc les saucisses sur un grill à gaz, les faire tourner et les mettre sur une assiette, même lorsqu'elles sont complètement cuites. Tout ça sans l'aide d'aucun humain. Ce robot-là a servi récemment 200 invités à un party à Berlin. Voilà, donc c'est des saucisses servies par un robot. Quand même drôle. Ah, oh, le monde des robots. Ça s'en vient. Oui, il faut l'accepter parce que d'un jour on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Ça va être un petit peu forcé. Ensuite, le prochain est vraiment dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. J'ai vu ça sur Facebook. Peut-être l'avez-vous vu passer. Dégoûtant. Mais il faut qu'on en parle quand même parce que c'est intéressant. Dans les choses qui ne devraient pas exister, c'est Blessed by Baking qui a fabriqué ces petits gâteaux qu'on doit squeezer pour faire sortir le pus d'un bouton. C'est du pu, mais en custard à la vanille, mm-hmm. comme dans les beignes, crème Boston, etc. Donc, évidemment, le cupcake a l'air d'être de la peau avec les rougeurs autour du bouton. Donc, voilà. Allez mm-hmm. voir la vidéo pour ceux qui l'ont pas vu passer encore. Ensuite, des porc-épics dans un rack à muffin. Ah, mais ça a-tu rapport avec la bouffe? Non, mais non. C'est beau pis c'est cute. Allez voir ça. C'est mignon. Assemblagerequipe.com. Des tout petits écureuils sont super cute. Ensuite, on va chez Pizza Hut où il y a une machine distributrice de pizza en Lego qui fournit vraiment de la pizza. Pour vrai, ça fonctionne. C'est Astonishing Studios qui nous présente cette machine distributrice. On n'a qu'à insérer un billet de 5$ et l'appareil va vous donner une vraie pan pizza personnelle au fromage. Ce qu'on appelle une CPPP dans le domaine chez Pizza Hut. Donc, la pizza n'est pas cuite. La pizza est dans le truc Lego. Okay. Ça sort et tu dois la mettre au four, j'imagine, parce qu'en tant que test, c'est pas mal juste une machine distributrice. Ça paraît être un produit officiel de Pizza Hut du tout, mais quelqu'un qui l'a fait, il y a une petite toune dans l'air de ça. Et crime, ça a l'air. Ah. La la la la. Je sais pas c'est quelle sorte d'appareil qui est utilisé, on dirait un iPod. Je sais vraiment pas. Le 5$ rentre vraiment, donc il est vraiment inséré, il est vraiment gobé par la machine. Ça fonctionne. OK. Ça a l'air de prendre un petit bout de temps avant que ça rentre. OK, c'est parce qu'il met des billets de 1$ 5 fois. Ah, ben oui. On comprend. Et quand tu fais ça, la monnaie revient. Donc, il y a un petit 25 cents qui est sorti et la pizza descend. Toute grasse à la bouteille. La boîte est vraiment grasse. Ouais, hein? D'après moi, la pizza, t'es là depuis un petit bout. You. Et il peut prendre sa monnaie en tournant une petite porte. Ça a l'air fragile. Oui, quand même. Pas mal fragile. Bon, la toune est bien bonne, mais on va l'arrêter pour remettre mon intro à moi, quand même. C'est qui a choisi sa chanson thème? Ensuite, on va à un autre Spotted. On a, ben pour commencer, tiens, le premier sur le bord, c'est rare que c'est le premier, mais c'est du Philadelphia. Ouh! À saveur de patates pilées. Ah! Aux échalotes et oignons. Pour vrai, c'est cool! Et t'as aussi à saveur de patates pilées tout court. Mais pourquoi est-ce que pas? C'est pas des patates pilées au Philadelphia? Ce que j'en comprends, c'était une tartinade. Attends un petit peu, on va voir. C'est pas écrit dessus, hein? Non, je pense que c'est vraiment un fromage à la crème. Je crois, mais je suis pas sûr. C'est pas écrit dessus. Prête en 7 minutes. Ben non, t'as raison. C'est marqué prête en 7 minutes, ça peut juste être des patates. Ah, c'est ça. C'est les patates qui sont au fromage Philadelphia. Mais c'est pas clair. Il aurait pu l'écrire sur l'emballage. Non, c'est vrai, t'as raison. Je m'excuse. Ben, c'est marqué made with real Philadelphia cream cheese. Ouais, mais c'est ça, fabriqué avec du vrai fromage à la crème de Philadelphia. Ben, dedans les patates pilées. Parce que moi, je n'aurais mangé à savoir de patates pilées. Ça a l'air vraiment de des petits. Les contenants, tu sais, là. De que tu soulèves le coin congelé. Ouais, là. C'est ça, exactement. Mon micro-ondes. Les repas congelés. Ouais. Ça a l'air de ça. Ben, j'en veux vraiment beaucoup. Et, accessoirement, qu'ils sortent un fromage à la crème aux patates pilées, s'il vous plaît. Ça serait pas pire. On parle souvent de Lay's. On avait un concours il y a quelques mois de saveurs originales versus saveurs normales. Et oui. Là, ils se battaient l'un contre l'autre aux États-Unis. Et là, toutes les saveurs originales ont gagné. Les saveurs pas originales. OK. Genre, les saveurs d'origine avaient gagné. Maintenant, donc, ils ont reseté le tout. Okay. Pour nous amener 4 saveurs internationales de chips, mais c'est pas un concours. Ah! C'est des saveurs temporaires. C'est pour les Olympiques de 2016. Lay's, donc, prend l'opportunité pour embrasser la thématique de l'internationalité en mm-hmm. amenant donc 4 saveurs populaires dans le monde aux États-Unis. Les 4 saveurs sont disponibles depuis le 25 juillet, donc hier, partout au pays. On commence par Brazilian Picanha. Donc, le picanha, c'est une sorte, une coupe de steak au Brésil. Ce qu'on appelle le rump cap en anglais, mais j'ai aucune idée ce que c'est en français. OK. Si vous êtes déjà allé dans un barbecue brésilien, vous allez voir qu'il y a souvent du gros sel dessus. Ça va être grillé sur, une, sur un bâton de bois. La saveur de chimichurri, la sauce qui est utilisée avec ça, est aussi présente. Ça voudrait dire bouchon croupillon. Bouchon croupillon. Ben oui. Le bouchon croupillon de l'avion. Oh oui, la, bref, ça a l'air vraiment bon au steak, genre de barbecue. Ensuite, Chinese Sichuan Chichen, poulet sichuanaise chinois. Donc, c'est des piments Sichuan qui sont reconnus pour la sensation que ça donne dans, sur la langue. Apparemment, que ça rend la langue un petit peu molle, comme oh si boy. Tu perds la sensation de ta langue. J'imagine que les chips feront pas ça. Mais tu as capoté. Genre, donc les croustilles offrent la même sensation, disent-ils, mais je pense pas. Et la saveur du poulet. Ah, d'accord. Ensuite, le prochain, il m'intéresse vraiment beaucoup. Oui, moi aussi, j'aime ça, le grec. Tzatziki grec. Donc, la saveur qui est un mélange d'aneth, d'ail et d'autres épices uniques ajoutées à du yogourt. Ils ont déjà eu chez Lay's une saveur de gyro qui était similaire, qui comprend d'habitude du tzatziki. Donc, ça devrait être assez similaire à ça. Nous dit l'article. Et t'as pour terminer le Indian Tikka Masala. Il y a déjà des sortes de chips au Tikka Masala chez le choix du président. Donc, c'est une saveur à base de tomates, des épices comme le turmeric. J'oublie tout le temps c'est quoi turmeric. Il y a un mot pour ça. Je me souviens plus. Attends, je te cherche ça. Et le cumin aussi. Donc, une saveur qui a été déjà en test. C'est du safran. Du safran des Indes. C'est normal que j'oublie les mots qui sont tellement différents. Turmeric et safran. Bref, voilà donc quatre saveurs qui sont seulement aux États-Unis. Mais vous pouvez vous les procurer sur eBay actuellement. Ça ressemble à du gingembre orange râpé. Ah oh ben... est-ce que t'es fan de Mountain Dew? Pas tant. Ouais, il y a souvent des sortes originales de Mountain Dew pour des concours, là. C'est vrai. Il y en a eu du rouge, du bleu, du mauve. Maintenant, le Mountain Dew Pitch Black est de retour pour de bon. Ah, d'accord. C'est la version qui avait gagné le Mountain Dew Season, donc le concours de 2016, est de retour pour de bon. À partir du mois de septembre, Mountain Dew Pitch Black va être de retour en permanence. Le retour est le résultat d'un vote promotionnel nommé Dew Season 2016. Pendant les trois derniers mois, les fans étaient encouragés à voter soit pour Mountain Dew Baja Blast ou encore Pitch Black et choisir quelle saveur sera de retour pour toujours. Plus de 2,9 millions sur 5,8 presque ont gagné. Pitch Black est arrivé pour la première fois en 2004 en édition limitée pour l'Halloween. Et c'est un mélange de Mountain Dew aux agrumes et de raisin noir. Ou foncé, mais foncé. Baja Blast est arrivé pour la première fois en tant qu'exclusivité chez Taco Bell en 2004. C'est encore disponible d'ailleurs chez Taco Bell. Et c'est le goût du Mountain Dew avec un petit peu de lime tropicale. Yum. Mais ils ont perdu. Ensuite, ça c'est quand même spécial, c'est dans un autre pays. Je crois que c'est en, au Moyen-Orient. Pour ceux qui se rappellent des Doritos 3D, c'est des Doritos gonflés en genre de pyramide. Oui, puis il n'y avait rien vraiment à l'intérieur. C'était de l'air, genre. Et voilà. Mais c'était quand même bon. Mais c'était comme vraiment juste gonflé. C'était original, c'était le fun. Ça donne un petit twist de plus. Bref, maintenant Doritos a créé les Doritos Shots, donc comme des shooters. OK. Ça s'appelle les Doritos Shots Yogurt and Herb Mix, donc un mélange de yogourt et de fines herbes. Donc c'est comme la combinaison des Doritos 3D qu'on avait dans le temps et la saveur Doritos Sonic Sour Cream qui venait des Émirats Arabes Unis. OK. Donc on a mélangé les deux. C'est pour ça que c'est disponible en dans les pays. Non. Les Émirats Arabes Unis, c'est un pays ou un territoire? Ouh, je me sais plus. Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Bref, ça goûte la crème sure et le yogourt. C'est ce que ça goûte. Ensuite, un autre spotter. Ça, je trouve ça vraiment cool quand même. Jif est une compagnie, ben pas une compagnie, c'est un produit beurre de peanuts très populaire aux États-Unis. Et maintenant, ils sortent les Crunchers. Les Jif Crunchers, c'est du popcorn enrobé de beurre d'arachide. Donc, c'est du popcorn avec des arachides, des morceaux de bretzel et des peanuts. OK. Fait avec du beurre d'arachide. Donc, c'est pas mal la saveur du Jif pour ceux qui aiment le beurre de peanuts. C'est aux États-Unis. Ensuite, on a un restaurant qui s'appelle Panda Express qui a renommé ses biscuits, ce qu'on appelle des biscuits chinois ici. Oui. Mais qui habituellement en anglais sont des Fortune Cookies, des biscuits de la bonne fortune. Ils ont changé le nom de Fortune Cookies à Fortunate Cookies pour un temps limité. C'est une campagne qui essaie d'inspirer les gens à être plus généreux. Ah, d'accord. Donc, ils ont dit, ils ont déterminé que c'était la saison du Fortunate Cookie. Donc, ils ont remplacé les messages de diseuses de bonne aventure à l'intérieur avec des messages du présent et donc de gratitude. Par exemple, je suis chanceux que tu crois en moi. Fortunate that you believe in me. Je suis chanceux d'avoir ton amour, etc., etc. Fortunate voulant dire un peu comme... Ça veut pas vraiment dire que t'es... Ouais, ça veut dire que t'es chanceux parce que fortune, c'est comme la bonne chance. Ouais, j'avoue. C'est bon. Donc, ça va être disponible jusqu'au 10 août. Typiquement, les biscuits sont donnés gratuitement avec n'importe quel achat de nourriture chez Panda Express. Ils disent aussi que Non, c'est ça. Que la chaîne a plus de 282 millions de biscuits donnés par année. Ah, oh, ouais. Ouais. Beaucoup. Hein. Mon Dieu, quand même. Ensuite, on a un autre... Il y a des trucs que je mets en double des fois dans mes affaires. Tiens, je voulais parler de Velveeta. On parle souvent de Nutella ou de Reese à tremper, tu sais, des dépanneurs pour genre oui. beaucoup trop cher. Tu peux tremper des petits bâtonnets dans la... Dans c'est la... vrai. C'est bien trop cher, c'est vrai. Ben, maintenant, Velveeta vend en épicerie des Velveeta Dip Cups. Ouh! Donc, c'est des... Ça ne dit pas sur l'emballage si ça vient avec les nachos. D'après contre. Moi, non. Sûrement pas. Mais c'est fait pour que tu mettes, mettons, le petit bol au micro-ondes pour le faire chauffer ou que tu le prennes froid. Moi, j'aime beaucoup ça froid en passant, mm-hmm. ce truc-là. Et c'est pour tremper tes chips dans le fromage. C'est de la trempette. Dans le fond, c'est comme des Velveeta fondus, comme le fromage normal oui. en tranche, mais fondu. Ils ont aussi des mini-blocs de Velveeta maintenant qu'on peut acheter et faire peut-être mettre sur une patate en robe de chambre dans le, au four. Oui. Donc, du Velveeta en mini-blocs, 5 par emballage. Bon. C'est quand même pas super original, mais pourquoi pas. Est-ce qu'on a le temps? On a le temps pour un dernier bloc. Wow, Colin. Parce que je vais coup par coup aujourd'hui. Ouais, pour, ouais. Pour pas trop me... Comment dire? M'épuiser. C'est correct. C'est difficile, j'ai marché une demi-heure au début de l'émission. Là, voilà. Je suis à peine en train de m'en remettre. À peine. On parle maintenant de contenants biodégradables pour le lait. Non, pas pour le lait, qui est fait à partir de lait de vache. OK. C'est ça, du lait de vache, comme oui. dans... Je remplis du temps pendant que ça charge. Je vois ça. Pas toujours pertinent. C'est, l'affaire avec ces liens-là, c'est que je choisis tout le temps des liens qui viennent de mentalfloss.com. C'est un des sites les plus intéressants au monde. Mentalfloss.com, pour ceux qui n'ont jamais visité le site, c'est vraiment intéressant. Les top 10 qu'on fait des fois, ou les top peu importe, viennent souvent de là. Mais c'est un des sites les plus lourds qui existent sur Internet, d'après moi. Les plus lourds. Donc, au début des années 1900, tiens, le plastique fabriqué à partir de protéines de lait, qu'on appelle de la caséine, était très, très populaire jusqu'à ce que les polymères à base d'huile ont commencé à prendre la place au sommet. Pour un projet récent nommé Protein, l'artiste Tessa Silva Dawson a décidé de retourner à la méthode traditionnelle, complètement naturelle, en créant des contenants durables qui sont à 100% biodégradables et sans toxines. En entrevue avec le site Design Indaba, l'artiste basé à Londres nous explique que ces plastiques de caséine et d'être utilisé à l'origine comme alternative à des matériaux comme les pas coquilles, on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi le mot d'une tortue? Carapace d'une tortue. Et l'ivoire pour faire des choses comme des boutons et des petites billes comme pour des colliers, des bijoux. Les plastiques étaient fabriqués à partir de poudre de lait ou de lait en poudre. Ils étaient ensuite durcis grâce à du formaldéhyde qui est quelque chose de toxique. On dit que l'étape a été sautée pour Silva Dawson. Elle a dit que les protéines étaient extraites du lait écrémé. Et Sylvain Dawson a dit que le lait écrémé est gaspillé en grande quantité étant donné le processus de séparation qui est requis pour faire du beurre et des crèmes. Le projet donc ne suggère pas de faire moins de lait, ne suggère pas de décélérer la production laitière. À la place, on propose d'utiliser quelque chose qui est normalement gaspillé okay. pour faire des bouteilles ou des contenants. C'est quand même intéressant. Il faut aller voir les bols et les verres qu'elle fabrique sur le site web de la designer. Qui est au tessasilva.com et si vous avez envie de faire votre propre plastique naturel, il y a une façon, l'article décrit comment sur assemblagerequis.com, on dirait presque du marbre ou on dirait un œuf d'un animal comme le genre... dinosaure. Ouais, un dinosaure ou un autruche ou je sais pas trop quoi. C'est un drôle de look, faudrait s'habituer, ça fait spécial. C'est vrai. Mais c'est cool comme idée de pas gaspiller ce lait-là-là. Lait. Justement, on parle de lait. La semaine passée, on a parlé de lait pendant genre une demi-heure avec le processus de sac de lait. Pourquoi qu'on avait juste ça au Canada et dans certains autres pays dans le monde. Il y a un nouveau processus pour réchauffer ou chauffer le lait qui garde le lait frais pendant 9 semaines. Mm-hmm. Est-ce que tu jettes des fois ton lait juste aussitôt que la date de péremption arrive? Ça t'arrive, ça? Moi, oui. Je fais ça. Oui. Je me dis, bon, c'est marqué bon jusqu'au 26 juillet. 26 juillet, je le jette, t'sais? Ouais. Mais il serait bon pour encore apparemment 5 à 7 jours de plus. Ah, ouais. Des fois, tu vas sentir ton contenant quand tu l'ouvres avant de le verser pour voir s'il n'était pas passé date à avance. Moi, je fais ça tout le temps et ça m'est déjà arrivé même. Ça m'est déjà arrivé de le sentir, de trouver, de pas savoir ce que sentait le lait normal. Parce que le lait, on dirait que ça n'a pas tant d'odeur. Non, c'est vrai. C'est quand tu sens qu'il y en reste juste un petit fond, tu vas pas sentir nécessairement que c'est passé date. Tout à fait. Et là, je l'ai versé dans mes céréales. Quand je l'ai versé dans mes céréales, j'ai pris une bouchée et puis là, soudainement, c'était dégueulasse. Oh, ça goûte vraiment genre. Ça goûte pas le vomi. Mm-hmm. C'est proche. Ça goûte le vomi. Ouais. Selon une étude publiée par Springer Plus, je sais pas si ça a rapport avec le talk show de Jerry Springer, mais une simple addition au processus de la pasteurisation qui va chauffer le lait pour tuer les bactéries avant d'être emballé pourrait éliminer encore plus de contaminants. On utilise une méthode qui s'appelle Low temperature, short time, donc faible température et courte durée. Processing. Les batchs de lait qui sont traités normalement et ensuite chauffés jusqu'à 10 degrés Celsius pendant moins d'une seconde. OK. Ça tue 99% des microbes résiduels, donc laissés derrière, après la première ronde de tuage de pathogènes. Donc, avec moins de bactéries, le lait peut rester frais pendant plus longtemps, jusqu'à 7 semaines passées la date d'expiration. 7 semaines de plus. Mmh. Étant donné qu'on utilise de la chaleur faible, cette technique-là est différente des autres méthodes pour créer du lait avec une longue durée de vie, ce qu'on appelle le UHT. C'est donc le processing à ultra haute température, pardon, où le lait est chauffé à 138 degrés Celsius exactement entre 2 et 4 secondes. Donc ça, c'est un autre processus. Une autre différence comparée au UHT, cette méthode-là n'a pas l'air de changer le goût, parce qu'apparemment que le lait shelf stable, ce qu'on appelle des fois le, tu sais, des fois les petits laits en capuchon, comment on appelle ça, un petit cup là, qu'on met dans le café, là, un petit cup. Un petit cup. C'est... Il y a sûrement un mot en français. Là, probablement. En tout cas, des petites démonstrations. Comme au restaurant, là. Oui, c'est ça, des shooters de lait. Hein? Oui. Bref, ça, c'est, je crois que c'est ultra haute température, donc c'est pour ça que ça peut rester frais plus longtemps. Ah, je vois. Et voilà. Donc, 138 degrés Celsius pendant 2 à 4 secondes. Par contre, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir déceler votre contenant de lait, donc l'ouvrir et vous attendre à pouvoir le savourer pendant plusieurs mois en l'étirant. Non, non, non, non. Un gallon de lait ne durerait pas si longtemps que ça. Une fois ouvert. Aussi, la fraîcheur est dépendante de garder, oui, le contenant fermé. Une fois exposé à l'air, le processus breveté de Purdue University va donner le même résultat que le lait, donc environ une semaine avant qu'il tourne. Ah, ouais? Environ. Ah, je savais pas. Faut que je le laisse fermer. Les chercheurs vont tester le processus LTST pour savoir si ça pouvait remplacer éventuellement la pasteurisation standard. On ne sait pas encore si la technique va être adoptée par les compagnies, mais étant donné que l'étude a reçu des fonds du US Department of Agriculture, donc le département de l'agriculture américain, probablement que ça ne prendra pas tant de temps que ça avant qu'on commence à voir ce lait-là ou ce processus-là sur les tablettes, mais tant mieux. Si ça ne change pas le goût en plus et que ça tue plus de bactéries, ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de mauvaise chose. Et là, on va y aller avec. Je vais y aller avec quelques derniers. Ah ouais? parce que je sais pas encore à quelle heure l'émission va se terminer. Tu comprends? OK. Donc, on va continuer jusqu'à en temps normal. Oui, en temps normal, il nous reste 4 minutes. En temps normal, il nous reste 4 minutes. En temps de. Il y a du baseball après nous, on ne sait pas. Bref, on nous dit qu'il faut qu'on finisse à 17h01. Okay. OK. Donc, on va faire une dernière nouvelle. C'est bon. On quittera avec une chanson au pire. Donc, une application pour ceux qui sont un petit peu mixologues. Oui, c'est le fun, ça. C'est le fun de mélanger des trucs d'alcool, faire des trucs comme ça. Donc, avec une application, vous pourriez peut-être devenir un petit peu plus professionnel. Tout à fait. Donc, pas besoin d'une grande connaissance de cocktail pour faire votre propre drink à la maison. Ça a été fondé, ça, par trois frères. J'en ai tué un, par exemple. Non, c'est ça. Désolé, au troisième. Trois frères qui ont une passion pour les cocktails. Ça s'appelle une application qui s'appelle Liquor Cabinet sur iOS, donc iPhone, iPad, qui met la connaissance, en fait, de professionnels de l'alcool à vos bouts de doigts. Hein? Donc, c'est une application quand même bien faite, nous dit mentalfuss.com et sa lenteur. Ça va vous dire non seulement comment faire le meilleur Manhattan ou peu importe, ça vous dit aussi quel alcool vous devriez utiliser dans le sens du meilleur alcool dans chaque catégorie. Okay. Quel genre de verre vous devriez prendre, quel genre d'outils vous allez avoir besoin, comme un shaker, etc. Ouais. etc. Tamis, comment t'appelles ça, le tamis qui va dans le foyer de glacé? Hein? Peu importe. Le tamis là, en métal qui va dans le shaker. Je connais pas les tamis. Un tamis. Tu penses? Je sais pas. C'est simple que ça. Ça vous dit aussi l'historique du cocktail. On peut fureter recette par recette, ingrédient, par niveau de connaissance, par type de spiritueux, où on peut directement comparer la saveur à différentes bouteilles d'alcool. Donc, l'application ne montre pas les prix des alcools. Vous n'allez pas savoir le luxe de votre drink, mm-hmm. genre combien ça va vous coûter de le faire. Et ça ne recommande pas toujours l'alcool le plus luxueux. Quand ça vous propose, mettons, un whisky, ça va vous proposer le meilleur goût, pas nécessairement okay. le meilleur prix, le plus cher, dans le fond. On dit que, tiens, par exemple, dans une recette de Old Fashioned, on recommande un Rittenhouse Rye, qui est une bouteille qui coûte environ 25$, et un Old Overholt, qui se vend pour aussi peu que 16$ pour une bouteille de 750ml. Okay. Donc, ça pourrait être quand même abordable pour vous. Le Liquor Cabinet, donc l'application sur iOS, vous donne plus qu'une leçon d'histoire. Ça dit aussi que chaque recette de cocktail et une description de chaque bouteille inclut non seulement les notes de saveur que vous allez goûter, mais aussi l'histoire de l'origine de la boisson et comment la compagnie a été fondée. Oh. Bon, c'est rempli d'éducation. Ça s'appelle, encore une fois, Liquor Cabinet. Voilà, là c'est vrai qu'on va devoir terminer la chronique ici. Les liens sont sur assemblagerequis.com. C'est triste, mais c'est comme ça. Je voulais dire... Oui. Qu'on termine là-dessus. Ben on oui. se retrouve quand mardi prochain? Mardi prochain. À 14h jusqu'à 17h. 14h. Après nous, deux matchs de baseball, donc deux contre New Jersey, les matchs 1 et 2 d'une série de 3 qui va se terminer demain, le mercredi. Sinon, on rejoue aussi les samedis après-midi entre midi et 15h. Après nous, c'est Sky Punka, l'émission de punk, rock, ska, oi. Je pensais aussi qu'il joue du koi. Oui, peut-être. Je crois. Ensuite, c'est le voyage insolite. Et puis, un autre match de baseball. Dimanche, on joue entre 10h et 13h après nous du baseball. Du baseball. Puis une reprise d'Orpiste avec Tania Baudin. Justement, ton émission, elle est mercredi. Oui, tout 14h. 14h. Dimanche, 16h. Moi, je vais être au Mathieu Plancheau les mercredis entre 15h et 17h. C'est .ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se quitte avec une dernière pièce. Qu'est-ce qui pourrait avoir un lien en ce moment? C'est une très bonne question. Très bonne question. Je me dirais, tiens, Cowpuncher. Ah? Avec Straight Line, parce qu'on espère que les joueurs de baseball, l'arène, le stade, la salle, l'octogone, le polygone, oui, c'est ça? Le bye. Bye.